Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce MedSem. Je suis particulièrement heureux parce qu'on avait décidé, durant la saison précédente, la troisième saison, on entame aujourd'hui la quatrième, on avait décidé de ne pas faire de Zoom pendant le confinement et pendant les suites du confinement. On avait du mal à organiser les séances et bon, ça n'a pas mis le séminaire en péril. On savait très bien qu'on allait continuer, mais on ne savait pas comment on allait continuer. Bon, on a finalement succombé, hein, donc, puisque vous êtes là et vous êtes nombreux, du coup, ça me rend encore plus heureux, je suis très content. J'espère même que ça va permettre, que ces modalités de séminaire vont permettre à des gens qui ne sont pas en région parisienne de suivre le séminaire en live. On a toujours diffusé les séances en audio pour la saison précédente, en vidéo pour des saisons passées, mais ce n'est pas la même chose. Du coup, c'est cool, il y a plein de gens aujourd'hui, il y a beaucoup d'inscrits. Bon, c'est toujours le ratio entre qui s'inscrit et qui vient, mais là, je vois qu'il y a 3 pages. Moi, je suis ravi. Voilà. Donc, merci à tous d'être là. Les modalités restent les mêmes. On est toujours sur une séance de MedSem classique, 1 heure et demie d'intervention, puis ensuite une grosse partie de discussion, enfin une partie conséquente, 30 minutes de discussion. Ça va changer un petit peu. Enfin, les modalités changeront parce que l'outil Zoom ne permet pas la même chose. Flora en dira un mot après moi. Sur les règles, voilà, à respecter. Samuel a déjà dit, mettez votre caméra. Moi, j'insiste, mettez votre caméra. Mais donc, du coup, Flora, tu auras 2, 3 trucs à nous dire sur ça. Sachez juste que c'est enregistré. Vous avez eu le petit message et vous devriez avoir cliqué continuer ou alors pas continuer d'ailleurs. Ce sera diffusé de la même manière que les podcasts l'étaient par le passé. Aujourd'hui, du coup, on reçoit Samuel Goeta. Samuel Goeta, tu viens nous parler de données ouvertes, tu viens nous parler de défis de réutilisation de données ouvertes et de stratégies alternatives. Du coup, Samuel, tu es cofondateur de la coop DataActivist. Tu me corriges évidemment, et puis tu pourras compléter évidemment tout ce que tu veux de ta présentation. Je vais rester très court. Tu es cofondateur de DataActivist et tu es également maître de conf associé à Sciences Po Aix. Tu as écrit des travaux sur la neutralité du net, tu as fait un passage à la NetSquad, l'agence de com digitale, puis finalement tu as fait une thèse particulièrement cool, c'est mon avis personnel, sur la sociologie de l'open data et la sociologie de l'ouverture des données. Du coup, cette séance, elle est motivée de notre côté parce que ben, voilà, nous, co-organisateurs du MedSem, du coup, membre ingénieur de 4 centres de recherche de Sciences Po, on est amené à utiliser des données publiques, des données en open data et des données qui nous donnent du fil à retordre, beaucoup. Combien de fois j'ai dit oh mon Dieu, mais c'est dégueulasse tout ce qu'il y a sur Datagouv. Du coup, voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es là. Je ne m'étale pas plus que ça, si ce n'est éventuellement dire que il me semble. Que tu reprends des activités de recherche après ta thèse et que tu bosses actuellement sur Datagouv. Tu nous en diras peut-être un mot, si tu le veux ou si tu ne le veux pas, c'est comme tu le souhaites. Du coup, je ne m'étale pas plus. J'ai qu'une envie, c'est de t'entendre. Je passe la parole d'abord à Flora et ensuite, ce sera à toi. Donc, merci d'avance, Samuel. Merci. Merci Diego. Donc moi je vais juste revenir en quelques secondes sur les contraintes techniques du fait d'être sur Zoom. Donc bien entendu, on vous demande à toutes et à tous de garder vos micros coupés pendant l'intervention de Samuel. Si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les envoyer soit à moi, soit à Diego. On centralisera pour la fin s'il y a des questions urgentes, en particulier des questions techniques ou des questions de compréhension directe, on les transmettra directement à Samuel. Et donc pour celles et ceux qui sont arrivés ces derniers instants, nous enregistrons la séance, mais n'utilisons que le son pour le podcast qui sera mis en ligne sur le blog. Voilà, je laisse la parole à Samuel. Merci à tous d'être là. Ok, merci Diego et Flora. Donc c'est bien que vous m'ayez présenté. Je vais pas plus m'étendre parce que c'était déjà assez complet sur la présentation. Ce que je vais vous expliquer, donc aujourd'hui, la thématique de la séance, c'était suite à nos échanges avec Diego et Flora. Je m'étais dit que comme c'est un séminaire de méthodologie, ce serait intéressant de revenir sur les difficultés qu'on rencontre en tant que réutilisateur de données ouvertes, sachant qu'on a maintenant un certain nombre d'enseignements et de choses qui sont plutôt admises et de problématiques qui sont connues. C'est des très problématiques sur lesquelles je travaille à la fois en tant que chercheur, à travers ma thèse, puis j'ai continué, j'aimerais bien le finaliser, en train d'écrire un livre sur justement sur ces enjeux-là, sur les défis et comment est-ce qu'on de l'open data et comment est-ce qu'on y répond. Et pour pas terminer juste sur des problèmes, vous proposer quelques stratégies alternatives pour obtenir des données quand on n'en a pas. Au cours de la présentation, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir un double regard à la fois de praticien. Alors, je suis praticien, je travaille avec des producteurs de données ouvertes et je suis moi-même aussi réutilisateur, enfin, de plus en plus réutilisateur, à vrai dire. Au départ, c'était pas forcément mon profil. Et je voudrais aussi vous parler du point de vue aussi de mes recherches, puisque mes recherches, notamment ma thèse, m'ont conduit à interroger des producteurs de données ouvertes, des chargés de projets d'open data, et de comprendre comment se déroule en coulisses l'ouverture des données publiques. Et donc, je vais essayer d'avoir un peu ce double regard, enfin même ce triple regard, à la fois en tant que chercheur de ces sujets-là, à la fois en tant que praticien qui travaille avec des producteurs de données ouvertes, donc consultant, mais des fois on fait des choses parfois très techniques avec eux, ou sinon on fait des choses très organisationnelles, très chez Data Activist, et aussi en tant que réutilisateur. Et donc ce sera un regard un peu différent de ce que j'ai fait dans ma thèse, mais je reviendrai sur certains éléments, mais le but ça va être de montrer comment les données sont ouvertes et de comprendre pourquoi les défis qu'on rencontre, pourquoi les problèmes qu'on rencontre apparaissent et quelles solutions on peut commencer à y apporter. Sachant qu'il y a quand même un certain nombre de solutions qui relèvent du producteur, sur lesquelles vous n'avez pas la main, mais aussi en tant que réutilisateur, il y a parfois des difficultés qu'on rencontre sur lesquelles on peut trouver différentes solutions. Quand j'ai discuté avec Diego et Flora du contenu de cette séance, ils m'ont dit à juste titre que c'est particulièrement ambitieux, j'aurais pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Donc Diego et Flora, n'hésitez pas à me rappeler un peu le temps et à me rappeler si je voyais que je suis trop loin de ma présentation. Le but, c'est que c'est une présentation en gros en trois temps. Le premier, ça va être juste des éléments de contexte pour que remettre tout le monde au même niveau sur où est-ce qu'on en est de l'open data, d'où ça vient, comment ça s'est développé. Deuxième partie, ça va être les quatre grands défis, donc découvrabilité, que vous l'avez vu dans l'annonce du séminaire, découvrabilité, documentation, qualité et les échanges entre producteurs et utilisateurs. Et après, les stratégies alternatives, donc le scraping, qui est l'extraction de données du web, la reconstitution de données à partir d'informations existantes, l'usage du droit d'accès à l'information et le recours à une foule de contributeurs. Donc, je terminerai là-dessus pour vous dire et aussi initier un débat, se dire dans des projets de recherche, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de recourir à ces stratégies alternatives? Et au passage, ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres stratégies auxquelles je n'ai pas pensé. J'ai essayé de faire une typologie qui est un peu les cas les plus courants que j'ai pu rencontrer, mais ce n'est certainement pas la typologie, elle n'est pas du tout exhaustive. Juste cette présentation, si vous voulez la retrouver, et même non, la parcourez pas, comme sinon il n'y aura pas de spoiler, mais si vous voulez avoir toute la présentation, elle est en ligne à cette adresse-là, vous pouvez... C'est en Creative Commons, vous pouvez la revendre, la refaire comme vous voulez, mais c'est en CC by SA, si vous la revendez, vous devez la repartager avec la même licence pour que je puisse moi aussi la revendre à la suite. Ceci étant dit, quelques mots donc, sur les objectifs du séminaire, donc partager un peu mon expérience issue à la fois du travail qu'on a avec les réutilisateurs et les producteurs, présenter les principales difficultés de la réutilisation des données ouvertes et découvrir des stratégies alternatives pour obtenir des données quand elles n'existent pas, ne sont pas ouvertes ou ne sont pas exploitables. Quelques petits mots sur Data Activist. Alors, on est une société coopérative, on est une SCOP qu'on a créée il y a maintenant 4 ans avec mon collègue Joël Gombin, que vous connaissez peut-être pour ses travaux en sociologie électorale sur le vote Front National. Et en fait, je vous en parlerai un petit peu après, mais le positionnement de Data Activist, on l'a conçu ensemble à travers nos deux positionnements. Moi, plutôt avec les producteurs de données, à bien connaître leurs contraintes, et lui, plutôt en tant que réutilisateur. Et on se disait, quand on a créé Data Activist, qu'on partait tous les deux une sorte de frustration, d'une part, de voir que les producteurs de données ont beaucoup de mal à trouver des publics pour leurs données. C'est aussi le titre de ma thèse, Instaurer des données, instaurer des publics. Je me suis intéressé au travail de l'ouverture des données. Comment est-ce qu'on fait pour passer de données métiers ou des dossiers, des choses, des bases métiers, des outils métiers qui n'étaient pas considérés comme des données. Donc, on les a instaurés comme données, comme un objet de savoir et de pouvoir. Mais une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que si on a fait tout ce travail-là, le postulat de départ, c'est qu'il y a un public, c'est qu'il y a une demande. Sauf qu'en fait, quand on discute avec des chargés de projet d'open data, ils ont très souvent beaucoup de mal à trouver un public à leurs données, beaucoup de données qui ne sont pas réutilisées. Et c'est un problème aussi quand on est réutilisateur, parce que de l'autre côté, on est aussi frustré, on tombe sur des données, et c'était l'expérience de Joël, de tomber sur des données très, très différentes, mais qui avaient qui étaient souvent de mauvaise qualité, mais qu'on n'arrivait pas à trouver, enfin tous les défis que j'évoquais là. Et donc on se disait qu'il y avait un problème d'adéquation entre l'offre de données, l'open data qui est un peu une politique de l'offre, on vous met à disposition des données sans prendre forcément en compte la demande, et la demande qui est un peu insatisfaite. Donc on s'est dit qu'on allait se positionner, travailler à la fois avec les producteurs et avec les réutilisateurs. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, ce qui fait, je pense, la valeur ajoutée de notre travail, c'est que chacun dans l'équipe, on travaille à la fois avec des producteurs et des réutilisateurs. Alors certains ont des profils plus réutilisateurs, des profils plus producteurs de données. On a des anciens chargés de projet Open Data, on a des data scientists, on a des gens, on a un data, enfin on a essayé de constituer une équipe avec des profils très très différents. On a une spécialiste des données géomatiques, on a un data journaliste, on a un ancien chargé de projet Open Data, une ancienne prof d'histoire qui a fait des data sprints avec des données, une ancienne archiviste qui a aussi été déléguée à la protection des données. Bref, on essaye d'avoir des gens qui ont des profils, pas forcément qu'on attend sur des consultants, mais c'est justement ce qu'on essaye de mixer, ce genre de profil. Et puis c'est aussi l'idée d'une coopérative, c'est que on est collectivement beaucoup plus fort que la somme de nos individualités. Et donc, on essaye voilà, de mixer les profils. Mais ce qui est important, c'est qu'on est tous un peu producteurs et un peu réutilisateurs. On se place des deux côtés. C'est ce qui fait, je pense, une partie de notre valeur ajoutée. C'est qu'on est capable, quand on travaille avec des producteurs, de leur dire, allez rencontrer les réutilisateurs, allez voir quels sont leurs besoins, ce qui n'est pas si souvent fait dans les projets d'open data. Et quand on travaille avec des réutilisateurs, de leur dire, mais essayer de comprendre les problématiques des producteurs et puis bah, rencontrer des producteurs de données, expliquer leurs besoins plutôt que de dire vos données sont dégueulasses. Mais ce qui engendra un des défis quand même, qui est que les échanges entre producteurs et réutilisateurs ne sont pas assez développés. On essaye d'appliquer nos propres valeurs. En anglais, on dit we eat our own dog food, on pourrait dire ça, nous mangeons notre propre pâté. On défend les communs, bah, on est une coopérative, donc c'est un commun en tant que tel, puisqu'elle est gouvernée par ses salariés. Et on repartage la plupart de nos supports de formation, de nos contenus sous licence Creative Commons. On anime aussi une communauté, donc si vous vous intéressez à ces sujets-là, c'est la communauté Team Open Data, vous avez le lien ici, teamopendata.org, qui rassemble 800, je crois qu'on a peut-être dépassé même le millier. Il y a 1 millier d'inscrits, donc c'est la communauté francophone des professionnels de l'open data, enfin pas forcément des professionnels, mais sur l'actualité de ces sujets-là, on a un forum qui commence à faire référence, donc on l'a juste animé. Enfin, vous voyez, on ne met pas en avant plus que ça d'Adaptive, parce que c'est vraiment là aussi, on essaie d'en faire un commun, c'est juste qu'on le. On l'entretient, mais on fait, voilà, c'est un forum aussi, même avec une section emploi, donc tous les métiers qui sont postés régulièrement autour de l'open data. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est donc que notre secteur se développe. Data Activist, maintenant, on est 12 salariés. Et dans nos métiers, en gros, donc on accompagne des stratégies d'ouverture de données. Avec des positionnements très différents. Ça arrive qu'on arrive en tout début d'un projet open data, comme on a fait avec la région Occitanie au tout début, où là, en ce moment, on accompagne Etalab sur la nouvelle. Donc, Etalab, qui est la mission gouvernementale qui est rattachée à la direction interministérielle au numérique. Et on travaille sur notre nouvelle feuille de route de l'ouverture des données. Donc, on a des projets très, très différents. Des fois, on fait sur une seule thématique qu'on va approfondir les données. On fait de l'accompagnement dans la réutilisation de données ouvertes. Je vous parlerai de quelques projets qu'on a fait avec des ONG en particulier. On fait ça aussi avec des entreprises, avec des associations, toutes sortes d'acteurs. fait beaucoup d'actions de sensibilisation, de formation à la donnée, pas juste à l'open data. On s'est rendu compte que, et c'est un de nos engagements très forts, on a créé Dataactivist pendant un événement qui s'appelle la Data Literacy Conference, qui se tenait à Aix jusqu'en 2018, qui était organisée par la Fondation Internet Nouvelle Génération, lors de la première Data Literacy Conference. On a créé Dataactivist à ce moment-là et c'est vraiment un engagement très fort chez nous. C'est du fait de l'open data, on ne peut pas juste se contenter du fait de mettre les données en ligne. L'idée de data literacy, c'est de faire que la compréhension, l'exploitation et plus largement l'utilisation de données puisse devenir, bon, c'est un peu idéalisé, mais une compétence essentielle comme lire, écrire ou compter. En tout cas, que ce soit une compétence beaucoup plus répartie, parce que derrière l'idée de data literacy, il y a un positionnement militant qui nous plaît bien, qui est que les données sont encore l'apanage d'une élite au sein des organisations et au sein de la société, et donc que cette élite-là a une forme de pouvoir. C'est aussi l'objet de. C'est beaucoup évoqué dans ce bouquin-là, Data Féminisme, qui est derrière moi, qui aborde ces sujets-là sous l'angle du genre, mais pas que du genre d'ailleurs, mais qu'en gros, ces compétences data sont un pouvoir et que ce pouvoir doit être mieux réparti. Et on pense que si on veut que l'impact de l'open data se développe, la médiation de données est vraiment essentielle et la data literacy a un enjeu beaucoup plus fort, c'est que faut pas que ces données, si on met à disposition, si on est dans l'optique idéale de l'open data, c'est-à-dire pour nous, l'idéal de l'open data, c'est la réduction des asymétries d'information. C'est qu'on soit dans une situation où le secteur public, qui dispose de beaucoup de données, et la société civile, aient à peu près les mêmes données et puissent parler sur un rapport d'égal à égal. Bon, si vous prenez le cas de la Covid, par exemple, vous verrez que on en est très très très loin. Ne serait-ce que les indicateurs à l'échelle de la commune du taux d'incidence qui sont utilisés par les préfets, mais auxquels on n'a pas accès. Enfin, je pourrais débattre très longtemps, mais l'idéal politique peut-être de l'open data, c'est ça, c'est cette idée de réduction des asymétries d'information et qu'on soit sur un pied d'égalité. Donc, nous, c'est un peu. Mais cette visée-là, je reviendrai là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais cette visée-là, elle fonctionne que si on est. Ça fonctionne, c'est égal, ça crée. C'est égalitaire que si on est dans une approche un peu plus inclusive. Il y a un chercheur qui est Michael Gourstein qui avait pointé du doigt un des risques de l'open data, c'est Empower the Empowered. Donner plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà. Et c'est un peu le risque si on n'est pas dans cette approche-là de la data literacy. Donc concrètement, nous, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on a des formations de culture générale de la donnée, qu'on fait assez régulièrement. Et on a pas mal d'ambitions là-dessus. On voudrait faire beaucoup de choses qui sont libres, hein, partagées. Et qu'on repartage. Et après, on fait aussi pas mal d'événements de médiation de données, donc le classique, le hackathon sur un week-end, mais aussi on fait là en ce moment un concours de réutilisation de données sur la rénovation énergétique qui va durer 6 mois avec l'ADEME. Et on fait aussi des fois des événements sur les données, mais sans que les gens réutilisent les données, avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça. Par exemple, on a travaillé avec la CAF de Paris sur des événements de concertation avec des bénéficiaires de la CAF, des gens qui n'avaient aucune connaissance préalable des données. Et on leur a aidé à comprendre des datavises, à produire des données, mais c'était surtout aussi, on s'est servi de la visualisation de données comme un outil de concertation et de débat. C'est aussi un truc dont je pourrais vous reparler. Donc c'est quelque chose qui est un peu fort dans nos engagements. On est une entreprise qui est issue de la recherche, et c'est aussi quelque chose qui nous rend fiers, le fait qu'on a dans l'équipe plusieurs chercheurs, notamment Mathieu qui est chercheur en informatique, puis on va prochainement recruter aussi d'autres chercheurs dans l'équipe. Et ça, c'est la conclusion de ma thèse, tout simplement, dans laquelle j'annonce la création de Dataactivist, donc si j'étais content de retomber dessus. Et donc, voilà, c'est à peu près le positionnement donc, que je vous ai dit. Je l'avais posé un peu à la fin de ma thèse, donc ce qui est assez rare sur une thèse en sociologie. Je vous ai mis le lien vers la thèse ici. Et donc, ce positionnement-là, c'est aussi un positionnement qui est né de la recherche. On essaye de nourrir des allers-retours vers la recherche, ce qui est aussi le cas dans mon profil, puisque je suis 2 jours par semaine, voilà, depuis quelques semaines. À Sciences Po Aix, à mi-temps, en tant que maître de conférence associé et le reste du temps consultant chez Dataactivist. Donc, j'interviendrai aussi avec ces deux casquettes-là. Je vais commencer par quelques éléments de contexte, mais voilà, je voulais faire ce petit point, vous expliquer un peu d'où je parle, pour vous donner maintenant quelques éléments de contexte. Alors, quand on parle d'open data, je pense que c'est important de commencer par le fait que c'est une notion qui peut être prise avec différents angles par différentes personnes. C'est une notion qui est très malléable. C'est-à-dire que vous allez voir au cours de, selon les interlocuteurs, et aussi selon les périodes un peu politiques, l'open data prendra des sens très très différents. C'est-à-dire que pendant un moment, quand Etalab a créé data.gouv.fr, la première version en 2011, c'était très orienté créer des entreprises, de l'innovation, c'est le nouveau pétrole, ça va apporter des emplois, en plus c'est vraiment un outil de relance économique, c'est hyper important. Donc ça a été abordé sous cet angle-là qui était plutôt des industries de la donnée. Quand Henri Verdier avait pris la tête d'Etalab, puis de la direction interministérielle au numérique et au système d'information, la DINSIC, lui, il avait vu plutôt comme un angle, comme un outil de transformation des administrations. Si vous demandez aux gens du CDSP à Sciences Po, peut-être qu'ils parleront plutôt d'open data au sens du partage des données en sciences. Je sais qu'il y en a dans la salle. Peut-être que pour certains autres militants, sera vu sous l'angle de la transparence. Et peut-être pour d'autres, je sais pas, par exemple pour la quadrature du net, autour des croyances liées à la cybernétique ou la libre circulation de l'information comme une valeur cardinale. Et c'est là aussi, ça raccroche au mouvement du logiciel libre, pour qui la libre circulation de l'information est une condition essentielle de survie d'une société démocratique. Donc, c'est pour vous dire que l'open data va être pris sous différents angles par différentes personnes et s'inscrit aussi dans des filiations très anciennes. Je vais m'arrêter sur chacune d'entre elles très rapidement, mais sur la transparence, beaucoup était avancé le fait que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, là, il y a l'article 15 qui dit la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ça a rejoint après la loi CADA de 1978 qui vous permet de demander à tout agent public, à toute administration, les documents administratifs qu'elle produit. Mais ça, c'est une filiation assez ancienne qui rejoint aussi pas mal de mouvements. Je l'ai mis dans l'ordre aussi parce que le partage des données en sciences, c'est un peu le parent oublié de l'open data, alors que beaucoup de choses on peut retrouver en commun. Moi, j'ai fait une thèse en Science and Technology Studies, sociologie des sciences et techniques, où j'ai essayé d'apporter les différents enseignements qu'on a pu avoir du partage des données en sciences qui est généralisé dans certaines disciplines comme la botanique ou la génétique, où depuis les années 70-80, il y a des bases de données partagées entre chercheurs. Alors, c'est pas forcément, ça répond pas exact toujours aux critères de ce que c'est un jeu de données ouvert, donc sur lequel je reviendrai un peu après. Mais il y a cette idée de partage de données généralisée. Dans l'open data, on parle souvent de réutilisation comme la création d'un nouveau service, de quelque chose de nouveau à partir de données qui ont été créées dans un contexte ancien. Ben ça, c'est des questions qui se posent depuis longtemps, par exemple en botanique, où il y a même eu des termes qui sont apparus, comme je vous ai peut-être déjà entendu parler, des chercheurs parasites dans certaines disciplines. Chercheurs parasites, c'était un truc un peu critique qui a été fait par des chercheurs qui étaient frustrés de publier des données, de voir des gens qui avaient des publications primées, très citées, mais qui ne recitent pas leur papier, et qui du coup, certains qui se sont positionnés presque contre le partage des données parce que ils ne se sentaient pas crédités pour la valeur qu'ils apportaient dans leur travail. C'est un truc intéressant, ça rejoint des débats qu'on se pose dans l'open data, par exemple, quand Google réutilise des données sans reverser. Sans payer d'impôts, par exemple. C'est des débats qu'on a, mais plus largement, en fait, il y a eu plein de travaux qui ont étudié le partage des données en sciences sur à la fois le mythe des métadonnées qui seraient extrêmement complètes et qui permettraient de comprendre un jeu de données sans avoir à échanger avec un producteur, sur le fait que, sur les questions de la qualité de données, qui sont des enjeux très très forts sur lesquels on reviendra. On a eu plein d'enseignements et donc, enfin, dans mes travaux, j'essaie de faire des liens, tout ça, avec le partage de données en sciences. Et je pense que c'est une piste extrêmement fructueuse et qui, en plus, d'un point de vue plutôt historique, enfin, pas forcément historique, mais politique, est en train de converger parce que là, en ce moment, si on regarde là où c'est, il y a aussi des choses qui se passent, c'est du côté de la science ouverte. Il y a un plan national pour la science ouverte avec quand même des choses qui avancent, et notamment sur l'ouverture des données de la recherche. On est dans une période où il y a eu beaucoup, beaucoup de débats quand même. Là, si vous regardez autour de la pandémie, beaucoup de débats sur le partage des données en sciences. Je prends par exemple le Lancet Gate. C'est une histoire d'ouverture des données de la recherche, parce que derrière, refus complet de la part de, je ne sais plus quelle est l'entreprise dans le Lancet Gate, qui a refusé de partager les données des hôpitaux. On a beaucoup de débats où, par exemple, toutes les données de l'université Johns Hopkins qui ont été réutilisées bien au-delà de la science. Donc c'est un exemple intéressant, ça, les données de Johns Hopkins, parce qu'elles ont été utilisées par tous les médias dans le monde. Dès que vous voyez un graphique en mars ou en avril qui fait des comparaisons internationales, ça vient des données de l'université Johns Hopkins. Mais en fait, derrière, il y a eu de la science citoyenne, il y a eu plein d'enjeux liés à la science ouverte, qui n'est pas que ouverture des données de la recherche, qui est aussi open access, qui est tous ces enjeux-là. Donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup de débats en ce moment là-dessus. Autour de la libre circulation de l'information, il y a aussi une filiation très ancienne avec le logiciel libre. Je vous le dirai rapidement, mais les principes de l'open data dérivent quasi directement des principes du logiciel libre, historiquement. Et puis il y a des mouvements qui se sont mobilisés très fortement, qui sont en faveur de l'ouverture des données, qui sont menés par d'anciens ou d'actuels militants du logiciel libre, et ça, quelque chose qui continue. Il y a une filiation qui continue. Alors, ça ne veut pas dire que tous les activistes, tous les militants de l'open data sont des fervents utilisateurs de logiciels libres, mais il y a une filiation commune. Je suis sur Mac, vous voyez, et on est en train de se parler sur Zoom. Mais il y a quand même une filiation et un engagement, et des choses qui sont assez proches. Mais derrière aussi, il faut raccrocher ça avec les mouvements de la culture libre autour de Creative Commons aussi, avec des combats même contre le copyright, et avoir aussi des communs qui sont des enjeux assez importants. Après, il y a une facette qui est très différente, c'est celle des industries de la donnée, où là, bon, ça rejoint des choses beaucoup plus malheureusement à la mode sur le big data, sur l'intelligence artificielle, et en fait le fait que les données ouvertes deviennent aussi un carburant de beaucoup d'algorithmes et d'outils d'intelligence artificielle, même si c'est encore balbutiant. Si vous prenez par exemple les données de Wikidata qui sont par exemple surexploitées par Google, on pourrait en donner les données d'OpenStreetMap. Mais ce qui est aussi très intéressant, hein, parfois, de voir des usages massifs qui émergent comme ça. Et après, la transformation des administrations avec cette notion de gouvernement ouvert qui revient épisodiquement, qui mélange la transparence, parce que à partir du moment où on ouvre des données, on peut avoir plus de participation, idéalement, puisqu'on a réduit les asymétries d'information. Quand vous avez des données précises, granulaires, c'est-à-dire que dans leur plus fort niveau de précision, les citoyens pourraient idéalement contester des phénomènes et mieux collaborer dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'exemple que j'aime bien citer là-dessus, c'est une association avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, qui est 40 millions d'automobilistes, avec laquelle je ne suis même pas du tout d'accord, en vrai, mais qui est le lobby des automobilistes, qui avait fait une enquête, par contre, qui était très intéressante, au moment du passage aux 80 km/h, qui avait fait beaucoup de bruit. Ils avaient pris, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu trois tronçons test en France, dans lesquels on a testé pendant un an le passage à 80 km/h, et Édouard Philippe a dit, oui, c'est une mesure très très objective, il faut passer aux 80 km/h parce que ça a fait baisser l'accidentologie. Sur ces trois tronçons test, c'est une mesure qui est objective, scientifique, on a fait des tests et on sait que ça marche. Ben, ils ont repris les données. Donc on a sur data.gouv.fr la base des accidents de la route, puis ils ont regardé sur ces trois tronçons test sur l'année concernée, puis ben, en fait, ils ont vu que l'accidentologie était complètement stable et pas du tout l'effet d'annonce qu'a fait Édouard Philippe. Et c'est un truc qui a quand même beaucoup circulé, finalement. J'avais regardé, en fait, Autoplus a fait plein d'articles là-dessus. Et je suis un peu convaincu qu'au final, ça a dû jouer dans le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, c'est des choses qui peuvent aussi jouer là-dedans. Mais on peut aussi voir ça comme de manière plus positive. Enfin, positive, pas que. Enfin, c'est pas positive, mais c'est un contre-pouvoir, mais c'est aussi l'occasion de mieux participer. Il y a aussi l'exemple des ateliers de cartographie à Toulouse, pour la troisième ligne du métro. On a fait des ateliers de cartographie, on a essayé de voir si J'avais écrit un article là-dessus, alors je n'ai pas participé à ça, mais j'ai écrit avec des gens qui ont organisé ces ateliers de cartographie. Et ils ont essayé de voir si, si on regarde le tracé, est-ce qu'il a été fait selon les mesures objectives qui ont été présentées, et au final, on n'arrivait pas à le prouver. Donc voilà, ayez en tête ces différentes facettes, parce que je pense que c'est aussi, chacun voit l'open data sous un angle très différent, et faire ce petit point permet de voir comment on peut prendre l'open data et puis les racines historiques, les fils qu'on peut tirer et les mouvements qui s'y raccrochent. Derrière l'open data, il y a des principes qu'on pourrait qualifier de techniques dans le sens qu'ils ont été faits par des techniciens, des hommes blancs qui ont la trentaine, quoi, américains, qui sont réunis en 2007 autour de Tim O'Reilly, qui fait les éditions techniques O'Reilly, et puis autour de Creative Commons de Laurence Lessig et de plein d'autres acteurs comme Aaron Swartz et tout, mais qui ont créé ces principes qui ont eu qui s'imposent toujours à nous et qui sont toujours valables et qui sont toujours très intéressants, mais qui sont très techniques dans le sens où ils regardent que la donnée en tant que telle. Donc ces principes, je vais vous le dire rapidement. Le premier, c'est une ouverture complète des données. Donc, le fait que toutes les données doivent être ouvertes, c'est un peu l'open data par défaut. Le deuxième, c'est primaire, c'est d'avoir des données qui sont telles qu'elles ont été collectées à la source. Ça, c'est hyper important. C'est d'avoir des données dans leur plus fort niveau de granularité, c'est-à-dire avec leur plus fort niveau de précision et pas des données agrégées. Donc là, par exemple, sur le cas de la base des accidents de la route, avoir l'ensemble des accidents avec les conséquences pour les victimes, le type de véhicule, les conditions de circulation, l'heure, anonymiser tout ça, plutôt que d'avoir sur chaque commune le nombre de morts à vélo ou le nombre de piétons qui sont faits écrasés par une voiture. Alors vraiment le détail pour refaire les calculs et être capable donc de réduire les asymétries d'information. Vous voyez que c'est pas un principe qui est totalement technique. C'est un principe qui est même, ces deux-là sont même très politiques au final, puisque ouverture par défaut, granularité. Donc ça veut pas dire, je dis juste qu'ils sont techniques, mais ça veut pas dire qu'il faut les jeter, hein. C'est des choses qu'on continue de défendre, hein. Timely, alors les données les plus à jour, des données mises à jour en temps réel idéalement. Accessible, c'est dans des formats ouverts. Machine processable, c'est d'avoir des données qui sont lisibles par les machines, donc pas avoir des fichiers PDF, mais avoir des données qu'on peut exploiter dans des formats comme le CSV, qui sont exploitables par les machines avec lesquelles on va pouvoir faire des calculs. Non discriminatoire, c'est de pas interdire un usage en particulier, notamment sur les usages commerciaux, mais pas que, l'usage militant. En fait, c'est faites-en ce que vous voulez et sans contrainte. Le fait aussi que vous n'avez pas besoin de vous identifier sur un portail open data, ça découle de ces principes-là. Et non propriétaire, c'est dans une licence ouverte. Donc, généralement, si vous mettez par rapport à Creative Commons, c'est l'équivalent de CC BY ou CC BY SA. Il y a un texte qui fait référence là-dessus, c'est l'open définition de Open Knowledge Foundation, dont je fais partie, dont je suis un des membres, qui définit les critères de ce que c'est un savoir ouvert. En gros, c'est vous devez attribuer les deux contraintes possibles, c'est vous devez attribuer à la source. Donc, quand vous réutilisez des données, c'est difficile de réutiliser des données sans dire votre source, un peu de la manipulation. Et l'autre, c'est le partage à l'identique. Donc, comme cette présentation, on peut vous imposer de repartager les données dès que vous les avez fait un enrichissement ou dès que vous en avez fait une réutilisation publique, ce qui, dans une optique de commun, permet d'entretenir un commun informationnel. Donc, ça, c'est les principes qui sont toujours les principes. De l'open data. Alors, je dis qu'ils sont techniques parce que j'aime bien cet extrait-là de Hugh and Robinson, The New Ambiguity of Open Government. Alors, c'est même plus qu'un extrait, c'est une note de bas de page, mais que j'aime bien. Il disait, donc c'est deux auteurs qui ont étudié les origines de l'open data et qui disaient, un régime fermé pourrait divulguer de grandes quantités de données conformes à ces huit exigences. J'ai un peu coupé la phrase, mais sans pour autant créer plus de transparence. Il disait par exemple, une diffusion électronique des déclarations de propagande faites par les dirigeants politiques de la Corée du Nord pourrait par exemple satisfaire à ces huit exigences. Donc, techniquement, là, il y a plein de pays non démocratiques qui font de l'open data. Singapour, par exemple, en fait partie. Je sais plus, je peux en citer d'autres. Même la Russie a une politique d'open data. Donc, ce n'est pas forcément en lien avec des enjeux de transparence. Depuis, les principes de l'open data ont été un peu amendés par la Charte internationale de l'open data qui assigne des objectifs plus politiques d'inclusion économique, de développement durable et aussi de participation des citoyens, donc qui rejoignent des enjeux plus, plus politique. Ces principes, comme je vous disais, se sont imposés. Et ils sont imposés maintenant dans la loi en France, avec la loi pour une République numérique qui impose un principe d'ouverture des données par défaut. Donc en fait, c'est un périmètre très très large qui s'applique à toutes les, en gros, toutes les données. Donc c'est les bases de données, les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Donc c'est à peu près toutes les données au final publiques. Et les documents qui sont communiqués suite à des demandes CADA qui doivent être mis en ligne par défaut. Pas forcément sur data.gouv.fr, hein, peut même être sur une page web, hein, dans un format ouvert et avec une licence ouverte. Et la loi pour une République numérique impose une liste limitée par décret de licence. En gros, vous avez le choix entre la licence ouverte d'État Lab, qui est à peu près l'équivalent de CC BY, vous devez attribuer à la source et vous faites à peu près ce que vous voulez avec les données, et la licence ODBL, qui elle est à peu près l'équivalent de CC BY SA, qui vous impose de repartager les données. C'est la licence qui est utilisée par la ville de Paris ou par OpenStreetMap ou OpenFoodFact dans les côtés des projets citoyens, et qui donc est dans une optique plus de pot commun. Cette obligation d'ouverture des données, elle s'impose, elle fait pas l'objet de sanctions, c'est important, et elle s'impose à toutes les administrations et même aux entreprises délégataires d'une mission de service public de plus de 50 agents. Et pour les collectivités locales, il y a une contrainte en plus, c'est de plus de 3 500 habitants. Donc c'est deux contraintes-là en même temps. L'association Open Data France a fait le calcul. En gros, c'est 4 000 collectivités locales en France qui sont concernées. Pour les administrations, le calcul n'a pas été fait, mais bon, c'est à peu près la plupart des administrations centrales qui sont concernées par la loi pour une République numérique. Donc c'est un principe d'ouverture des données par défaut. L'idée, c'est de renverser l'optique de la loi CADA où on vous fait des demandes. C'est que là, les données doivent être mises en ligne avant même que vous les ayez demandées. C'est une loi qui peine un peu à être appliquée, mais pas totalement quand même. Il y a une croissance continue du nombre de collectivités qui ont ouvert des données. Alors là, c'est issu de l'Observatoire Open Data des territoires l'association Open Data France. Et là, on voit les collectivités qui ont ouvert leurs données. À l'heure actuelle, il y en a 657. C'est seulement 10% des collectivités concernées. En gros, pour les petites collectivités, c'est compliqué d'ouvrir des données. Au niveau national, globalement, la plupart enfin, tous les ministères ont une politique d'open data et ont déjà publié des données. Après, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui a un mal fou à ouvrir des données et qui rechigne très fortement à l'ouverture des données. Donc il y a des politiques open data ministérielles qui varient selon les cas, avec des engagements plus ou moins forts, et des jeux de données qui sont plus ou moins réutilisés. Je voulais revenir, parce que un des points importants dans mes travaux, c'est la question du travail invisible de l'ouverture des données. J'ai fait ma thèse sous la direction de Jérôme Denis, qui a écrit un ouvrage qui est Le travail invisible des données, que vous avez peut-être vu passer aux presses des mines. Et donc, dans cette optique-là, ce que j'ai étudié, moi, c'était le travail de l'ouverture d'un jeu de données, ce qui se passe en coulisses. Et j'identifiais, alors là, c'est une représentation un peu synthétique qu'on a fait après, chez Data Activist, mais ces grandes étapes-là de l'ouverture d'un jeu de données. Mais c'est important d'avoir ce contexte en tête, que je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel se déroulent les projets d'open data, parce que quand on va parler des défis de l'open data, c'est faire le lien avec ce contexte-là. La première étape, c'est celle de l'identification des données. Et c'est pas comme si dans les collectivités, dans les administrations, il y avait un catalogue des données exhaustif sur lequel on pourrait s'appuyer. Et on va aller dire, bah tiens, je vais ouvrir tel jeu de données, tel jeu de données. En gros, la collectivité n'a pas connaissance de son patrimoine de données ou son matrimoine de données et va devoir aller découvrir progressivement qui a des données et même dans certains cas dire aux gens qu'ils ont des données. C'est-à-dire qu'un fichier qui est dans un tableur qui est caché quelque part, qui aurait beaucoup de valeur parce que et qui est essentiel à la compréhension des politiques publiques. Ben, pour certains agents, c'était des données de gestion et c'était pas considéré comme c'est comme un fichier, quoi, mais pas forcément comme des données, comme un objet de savoir ou de pouvoir. Donc cette phase d'identification prend beaucoup de temps et elle est assez complexe et c'est vraiment un travail en continu, même de cartographie des données de l'organisation, c'est des choses qu'on doit faire souvent. Vient ensuite la phase de validation. Alors dans l'optique de la première République numérique, idéalement toutes les données sont publiées. En pratique, beaucoup plus compliqué, ça répond à des objectifs politiques et ça passe souvent par des instances de validation administrative et ou politique qui vont décider de quel jeu de données peuvent être ouvertes. Et notamment pour les données sensibles, s'il n'y a pas de demande, c'est compliqué d'ouvrir un jeu de données quand ça pourrait servir à l'opposition ou à contester des décisions. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent, parfois, avec des données qui sont très contextuelles, mais pas très, permettent pas vraiment de contester des décisions qui sont très, certains diraient, apolitiques, quoi. Donc, ça, c'est aussi une des étapes qui prend du temps de validation. Il vient ensuite l'étape d'extraction. C'est pas parce que vous avez identifié une source de données qui serait ouvrable et que si vous avez obtenu la validation que ces données peuvent être mises en ligne. Il y a une grosse partie du travail d'ouverture des données et une reprise en main, une sorte de reprise en main de la souveraineté des administrations sur leurs données, parce que souvent elles ont recours à des systèmes d'information, à des outils métiers. Dans lesquels l'administration n'a pas accès à la base de données complète. Il y a pas, des fois, il n'y a pas l'outil d'extraction, ou des fois, tout simplement, on n'a pas accès à la base de données, ou des fois, on n'a pas le schéma de la base de données. Donc, reconstituer un fichier à plat qu'on pourrait publier et partager en open data, ça demande parfois des mois des database managers d'aller fouiller dans les bases de données, créer le fichier à plat, comprendre les liens entre les différentes tables pour reconstituer une vue usagée et pouvoir faire une extraction de données. Donc, ça prend énormément de temps. Vient ensuite la phase d'édition, qui est plus ou moins. Après, ces phases sont plus ou moins importantes, certaines des fois sont anecdotiques. Mais vient la phase d'édition. Éditer, c'est. Je reprends le terme de Desrosières qui avait utilisé ce terme-là qui est un peu le terme en statistique qui est pas mal utilisé pour la préparation des données avant leur diffusion, qui va être un travail à la fois de documentation, qui va être aussi un travail de nettoyage des champs, des colonnes, de reprise des acronymes, et qui va aussi être parfois un travail qu'on pourrait appeler de nettoyage. Alors, j'en reparlerai de cette question de nettoyage quand je parlerai de la qualité des données. J'aime pas forcément toujours le terme de nettoyage parce que ça supposerait que les données sont nécessairement sales. Les données en tant que telles sont conçues dans un usage qui était leur usage de départ, et donc, la question de leur qualité dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait. Par exemple, j'avais fait un événement avec le Grand Poitiers sur la réutilisation des permis de construire, des données des permis de construire. Et par exemple, le champ objet, il y avait écrit dans le champ objet du permis de construire, il y avait écrit construction d'une maison individuelle, construction maison individuelle, construction des espaces une maison individuelle. Construction maison IND. À chaque fois, il n'y avait pas du tout de catégorie comme on aurait fait pour qu'on puisse après analyser ces statistiques-là. Mais sauf qu'en fait, personne dans la collectivité, quand on a discuté avec les gens, ils ne font pas d'analyse des permis de construire. Eux, c'est une base de données pour suivre les permis de construire, mais ils ne font pas d'analyse. Et donc là, en fait, on exposait des données à des usages nouveaux qui n'ont pas été conçus pour ça. Donc, cette question de la qualité, j'y reviendrai un petit peu après, elle est importante. Vient ensuite la phase de standardisation. Il y a un certain nombre de standards qui s'imposent sur l'ouverture des données. Je peux vous en citer deux. De standards qui décrivent le contenu et la forme du jeu de données. Ce qui est différent des formats qui vont établir un certain nombre de contraintes sur comment le fichier doit être structuré. Là, c'est vraiment souvent, on va vous demander de standardiser le jeu de données. Alors, en définissant les champs qui doivent figurer, donc il y a le GTFS qui est utilisé dans les transports. Sur les marchés publics, il y a un standard qui s'appelle les données essentielles de la commande publique, les DECP, qui est absolument pas connu, alors que c'est là maintenant qu'on publie pas mal de données relatives aux marchés publics. Donc il y a un standard assez important. Vient ensuite, donc il y a aussi la question du formatage. Et passer un fichier Excel à un format CSV, par exemple, si vous avez un champ qui figure en couleur, c'est pas aussi simple que juste faire enregistrer sous. Il y a beaucoup de travail invisible derrière ça. La phase de publication, qui est un peu le but de tout ça, mais qui implique aussi tout un travail de documentation des données, sans lequel, je reviendrai après, sans lequel c'est très difficile de réutiliser les données. Puis vient la phase de mise à jour, voire d'archivage, qu'on pourrait aussi inclure là-dedans. Donc tout ça pour que j'ai détaillé chacune de ces étapes-là. Ce n'est pas des étapes qui interviennent tout le temps, elles sont plus ou moins importantes, mais tout ça pour vous dire que c'est un travail qui est invisible, mais qui est surtout, généralement, qui n'est pas pris en compte dans les missions des agents. Quand une administration crée un projet d'open data, elle va allouer du temps éventuellement à l'identification, à la validation des données, mais va mettre rarement du temps sur le travail et puis rarement prévoir du temps, des ETP, des fiches de mission, enfin, toutes les contraintes qui s'imposent à l'administration. Ce qui fait que ce travail-là, il est parfois pas pris en compte dans les missions des agents. Et globalement, les producteurs de données ouvertes sont un peu souvent des sortes de bénévoles de l'open data, des sortes. Parfois, ils le font par militantisme. Et ce n'est pas pris en compte dans leurs évaluations. On leur laisse peu de temps pour le faire. On leur laisse quasiment pas de temps pour le faire. Et ça repose sur des bonnes volontés, tout ça. Donc ça, pour vous dire que si on est dans une optique qui est celle de l'open numérique, de passage vers un service public de la donnée, il y a aussi des enjeux derrière organisationnels de comment on valorise et on accorde du temps et des moyens au travail d'ouverture des données, sans quoi beaucoup des problèmes qu'on va voir à la suite découlent du fait que, tout simplement, ce travail n'est pas pris en compte. Et pas assez pris en compte et pas pris au sérieux comme une condition essentielle de l'impact de l'open data. Et c'est vraiment important. C'est-à-dire que les difficultés que vous rencontrez en tant que réutilisateur viennent souvent du fait que ce travail-là n'est pas pris en compte. Donc c'est tout l'enjeu de ce que Booker et Starr ont appelé l'inversion de l'infrastructure. C'est-à-dire que la caractéristique d'une infrastructure, c'est qu'elle est invisible jusqu'au jour où elle se casse. Faire l'inversion de l'infrastructure, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Quand on développe une infrastructure de données, on voit les usages, mais on ne va pas forcément prendre en compte comment cette infrastructure a été conçue et tout le travail qui a été fait en amont. Donc, c'est aussi un de ces enjeux-là. Donc, voilà sur le contexte. Je vais peut-être prendre les questions dès maintenant, si vous avez des petites questions, puis ça me permettra de boire un peu d'eau avant d'entrer sur les défis. Non, c'est bon. Ou je sais pas si quelqu'un. Paul lève la main. Non. Paul lève la main. Non, je sais pas. Je voyais une main levée. S'il y a des mains levées. Non. Non, bah, c'est... Ouais, je vais aller sur les différents défis. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez m'en mettre aussi dans les commentaires sur le chat. J'ai le chat ouvert à côté. Alors, le premier défi. Quelqu'un avait une question, c'est ça? C'est moi, Diego, qui disait n'hésitez pas, le chat, c'est un avantage en fait. Je me suis permis de partager quelques liens complémentaires ou du moins qu'on ne voyait pas dans tes slides. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est aussi une bonne manière de vous les transmettre à Flora et à moi. Ouais, moi j'ai le chat aussi à côté sur le coin de l'écran, donc je vois aussi les questions. Parfait, on continue à faire des blagues dedans avec Paul, du coup, si ça dérange personne. Ouais, j'ai vu, c'est agréable. Le premier défi pour moi, c'est la découvrabilité d'un jeu de données. Alors, j'ai regardé hier soir, l'Office québécois de la langue française a sorti plein de trucs au Québec sur la notion de découvrabilité. Ce qui se pose plein de questions sur la découvrabilité des contenus francophones en général, pas des données, hein, mais des contenus francophones dans un univers anglophone, des questions qu'on se pose un petit peu moins chez nous parce qu'on est dans un univers francophone. Et donc, il y avait une définition, c'était la capacité d'un contenu à sortir du lot. Alors, en anglais, c'est un terme le terme, c'est plutôt findability, et je pense que peut-être on devrait parler plutôt de la trouvabilité, c'est-à-dire sur la capacité pour un usager de tomber sur le bon contenu. Alors, derrière cet enjeu-là, derrière ce défi-là, vient le fait qu'une expérience, je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu, c'est vous allez sur data.gouv.fr, vous cherchez sur Google, vous cherchez sur Google Dataset Search, vous allez sur, un Dataverse, et vous ne trouvez pas les bonnes données. Et au final, vous faites appel à quelqu'un qui vous dit « Mais non, mais en fait, il faut passer par là. » Et au final, c'est quelqu'un qui va vous indiquer. Mais c'est en général l'expérience des usagers, et mon expérience au quotidien, c'est que c'est très difficile de tomber sur les bons jeux de données. Je vous donnais un petit exemple que je n'avais pas mis dans mes slides auquel j'ai pensé tout à l'heure. Si vous cherchez, par exemple, la liste des écoles sur data.gouv.fr, un usager lambda va taper liste des écoles. Bon, là, vous allez tomber sur les écoles doctorales, les écoles de la ville de Boé, que je ne sais même pas où c'est, les écoles de Los, les écoles doctorales, les écoles multisports de la Gironde. J'y suis pas du tout. Bon, alors, je vais taper peut-être localisation des écoles. Peut-être que là, j'ai pas fait le test. Donc là, je tombe sur la Bretagne, Toulouse à Balma, ça marche pas. Il y a un jeu de données, bah, ça faut le savoir, il s'appelle l'annuaire de l'éducation. Et là, si je cherche là, sur ça, bah là, je tombe sur l'annuaire de l'éducation, qui sont les données sur les établissements publics et privés situés en France. Alors, un jeu de données d'ailleurs qui a une description très très légère, mais qui vous permet, si on regarde la source, la source sur le portail Open Data Soft du ministère de l'Éducation nationale, vous avez vraiment la localisation de toutes les écoles, collèges, lycées, avec même le nombre d'élèves de chacun de ces établissements-là, et qui est mis à jour et tout ça. Mais sauf que, même, vous voyez les mots-clés qui apparaissent dans la description. Alors, ils ont rajouté hein, quand même dans les tags lycée, tout ça, mais là, on n'a même pas le mot école, collège, lycée, vous avez premier degré, second degré. Moi, je ne cherche pas quoi, premier degré, second degré, c'est pas donc. Donc ça, c'est un exemple de données qui sont très très difficiles à trouver, ce qui explique d'ailleurs, pourtant c'est un jeu de données qui est vraiment très important. Il y a très peu de réutilisations qui sont référencées sur Datagouv. Alors ça vient aussi du fait que ces données, on les trouve sur le portail Open Data du ministère de l'Éducation nationale et elles sont moissonnées. Donc on passe pas nécessairement par Datagouv, mais ça, c'est un exemple de jeu de données qui est très dur à trouver. C'est un problème qui est reconnu internationalement. Open Knowledge Foundation a fait l'Open Data Index, qui est un classement de l'ouverture des données auquel on participe à Open Knowledge France, l'association que j'ai cofondée il y a quelques années, il y a 8 ans. Et dans ce classement de l'ouverture des données dans le monde, il y a eu un rapport à la fin qui posait comme principaux défis cet enjeu de la findability, la découvrabilité des données. Il disait que la découverte des données est une condition préalable pour que les données ouvertes atteignent leur potentiel, leur impact. Et la plupart des données sont actuellement très difficiles à trouver. C'est-à-dire que c'est vraiment un cas très très récurrent. Donc je suis très preneur, si vous pouvez même vous noter ou même nous mettre dans le chat de vos exemples de cas où vous n'arrivez pas à trouver des données, où vous avez dû faire appel à un ami. L'appel à un ami, c'est peut-être ce qui marche le mieux au final pour trouver des données. Mais c'est vraiment un cas très récurrent. Nous, en ce moment, on travaille chez DataActivist sur une notion de conciergerie de données. On est en train de faire deux projets de recherche là-dessus. Un avec la région PACA et un autre avec la DREAL en PACA sur un chatbot, mais c'est pour l'interface utilisateur, mais d'aller chercher dans le catalogue et puis de capitaliser sur les réponses et puis aussi de faire de la curation humaine. C'est-à-dire quand une réponse n'obtient pas, quelqu'un cherche qu'un jeu de données et n'obtient pas la bonne réponse, on va mettre un humain qui va trouver la bonne réponse et on va avoir une sorte de base de connaissances de comment on trouve les bons jeux de données. Et ça, c'est un des enjeux difficiles, c'est que si on se contente des métadonnées, vous voyez que là, les métadonnées sont très très légères. Par exemple, l'annuaire de l'éducation, là, la description est très faible, le titre est pas du tout descriptif et pas du tout. C'est vraiment un titre métier parce qu'ils savent que ça s'appelle l'annuaire de l'éducation au sein de l'éducation nationale. Au mieux, le mieux, c'est là ici, c'est les mots-clés. Mais les mots-clés sont pas toujours bien renseignés, donc l'annuaire de Datagoo l'utilise pas nécessairement. Et puis, les mots-clés sont utilisés. La plupart des jeux de données de l'éducation nationale ont le mot-clé lycée, parce qu'au final, ils décrivent tous à peu près la même chose. Donc, les métadonnées, si on s'appuie que sur les métadonnées, c'est difficile. Un des trucs sur lesquels on réfléchit, c'est de manière optionnelle, pas contrainte, hein, un des principes de l'open data, c'est qu'on n'a pas à vous demander ce que vous allez faire des données pour les réutiliser, mais de proposer à l'usager de demander ce qu'il veut faire d'un jeu de données, ce qu'il va faire d'un jeu de données. Ce qui permettrait de dire, là, si avant de télécharger les données, vous dites, je veux cartographier les écoles. Ben là, on capture une information qui est super intéressante. Je cherche la localisation des écoles dans ma ville. Ben là, en fait, vous capturez le comportement de l'usager. Et en fait, cette curation qui est faite par bien plein de biais, vous pouvez capturer cette info. Et c'est des trucs sur lesquels on aimerait bien travailler. Alors, je vais vous donner des petits exemples de découvrabilité, de problèmes de découvrabilité. Ici, c'est Jules Grandin. Alors, je relance c'est un gif. Ouais, non, ça va pas se remettre. Ici, c'est Jules Grandin qui est un data journaliste spécialisé plutôt sur la cartographie, qui cherche le comptage des voyageurs dans la ligne de RER. Et donc, il dit une déception en quatre actes. Donc, il cherche sur Google compteur voyageurs sur Datagouv. Il tombe sur un fichier. Il ouvre le format CSV. Puis là, il tombe sur un fichier qui fait deux colonnes, une ligne. Et là, en fait, il tombe sur ligne B, 862 000 voyageurs. Donc bon, c'est vraiment le jeu le plus cliché possible. La description est absolument. On va regarder un peu par étapes, ça va un peu trop vite. Voilà, donc là, il cherche. Bon, tombe sur Datagouv, il dit que c'est bon. Là, il y a une ligne de description, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il ouvre le fichier et là, en fait, on tombe sur un truc qui est vraiment. Il n'a aucun intérêt. En plus, on n'a aucun contexte, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça rejoint un des enjeux, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeux de données, bon, qui ont été publiés pour faire du chiffre. On a beaucoup, beaucoup fait de chiffres, en fait, sur les portails Open Data à l'époque. Je me souviens, sur le portail Open Data de Rennes, sur le portail sur data.gouv.fr, au lancement du premier DataGouv, ils s'étaient amusés à prendre toutes les bases de données de l'INSEE et à les découper par 36 000 communes. Enfin, ils ont pris 8 bases de données de l'INSEE. Ou 10 bases de données de l'INSEE, ils les ont découpées par 36 000 communes. Et du coup, ils ont fait, je me souviens, ils avaient fait une sorte de podium en disant, on est devant data.gov aux États-Unis et on a 300 000 jeux de données. Bon, au final, vous aviez 10 bases que vous avez découpées en 300 000, en 30 000 communes. Et puis après, ils ont ouvert quelques jeux de données, effectivement. Mais il y avait cette politique du chiffre. Oui, alors Benjamin dit, on fait toujours. Je vais parler d'Open Data Soft. Alors, beaucoup de régions prennent c'est une des fonctionnalités qu'ils ont. Alors, des fois, ça a certains usages, hein, mais on peut prendre la base sirène des entreprises et à peu près tous les portails d'Open Data Soft ont un découpage de la base sirène par à leur emprise géographique. Et ce qui fait que si vous tapez sirène dans DataGouv, bon, vous allez tomber sur la bonne base, hein, c'est la base des entreprises. Mais là, vous regardez, vous savez, sur la base de Sirène d'Orléans, la base Sirène de Nice, la base Sirène de. Et donc, au final, c'est une logique qui continue. Puis bah, là, vous voyez, un problème de découvrabilité, on tombe sur la liste des organismes de formation qui n'ont pas le même jeu de données. Problème de découvrabilité ici. Alors, ça, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Je les adore. Et en plus, ils sont sympas parce qu'ils continuent de ne pas corriger leur erreur. Ce qui me permet d'avoir un exemple qui est toujours à jour. Ah, je dis ça, peut-être que ça, ils ont terminé. Non, voilà, ça continue. Donc ici, vous avez donc un jeu de données qui s'appelle. Alors, ce qui est important dans cette démonstration, c'est de bien dire le nom du jeu de données. Donc c'est AIFE underscore DE 44 78 54 62 10 00 45. Ce jeu de données regroupe un fichier par jour de toutes les données essentielles des marchés publics publiées sur la plateforme des marchés de l'État qui s'appelle PLACE et il est publié par l'Agence pour l'informatique et financière de l'État. Il est absolument introuvable. Alors, ce n'est pas un drame en tant que tel parce que étalable, alors c'est aussi une question de découvrabilité, là, il faut vraiment connaître le truc. Bon, on peut tomber dessus. Étalable, mais non, en fait, c'est le ministère de l'économie et des finances. Publie des fichiers consolidés des données essentielles de la commande publique, donc ils réingèrent, et là c'est plutôt bien documenté, et on a des données qui sont assez exploitables, mais ils vont aller agréger ces différentes données. Mais s'il n'y avait pas cette démarche-là, les jeux de données de la plateforme des marchés de l'État, PLACE, sont absolument introuvables. Un autre exemple de problème de découvrabilité, là, si vous faites une requête coronavirus sur DataGouv, vous ne trouverez en tout cas sur la première page aucun jeu de données qui est publié par Santé publique France. Parce qu'il faut rechercher Covid, qui est du nom de la maladie qui est causée par le virus, qui s'appelle le SARS-CoV-2, qui lui-même fait partie de la famille des coronavirus. Donc, si vous demandez à des épidémiologistes de décrire des données, ben, ils ne vont pas utiliser. Une famille de virus, ils vont l'appeler du nom de la maladie qu'on étudie. Donc vous tapez coronavirus. Alors ils l'ont mis quand même dans les tags, mais les tags remontent assez mal dans le moteur de recherche. Mais c'est aussi, on arrive dans une logique limite de la logique de tag. Donc si vous tapez coronavirus, vous n'allez pas tomber sur les données de Santé publique France, qui sont les principales données qui vont vous intéresser. Il faut taper Covid et vous allez encore tomber sur pas mal de choses très différentes. Voilà, si vous prenez les premières réponses. Et en fait, les données de santé publique françaises arrivent un peu plus tard. Alors, ce que fait Talab, qui, je pense, est une très bonne approche, c'est que de plus en plus, là, si vous regardez en bas, il y a une page qui s'appelle Données clés par sujet, c'est un peu nouveau. Et donc, ils ont fait les données relatives au Covid-19 et finalement, on fait de la curation manuelle. Donc, pour tomber sur les bons jeux de données, c'est mieux de passer par ces ressources de curation et par de la curation, humaine. Et c'est une logique qui permet de résoudre. En tête, il y a 40 000 jeux de données, hein, référencés sur DataGouv. Ils ont donné des collectivités. Ils ont fait la même chose pour les élections. Où trouver les bons jeux de données des élections, c'est impossible. Hein. C'est vraiment très, très, très compliqué. Je pense que c'est encore le cas, mais si vous tapez élections, voilà, vous tombez sur les. Bah là, c'est vraiment caricatural même. Je tombe sur les données de la mairie de Champagne-sur-Seine avant de tomber sur les données du ministère de l'Intérieur. C'est pas qu'un problème du moteur de recherche de Datagoo, hein, cela dit. Hein. Je vous donne un. Alors. Un autre exemple, je le fais au hasard, mais je ne suis pas sûr que je vais tomber sur le bon jeu de données. Non, c'est bon, je suis tombé sur le bon jeu de données. Ça marche plutôt bien pour ce cas-là. Mais si vous cherchez toutes les données liées au retard, bah en fait, pour la SNCF, alors là oui, non, c'est un jeu de données qui a été publié par Antoine Augusti, par un citoyen. Mais si vous allez sur les data SNCF et que vous cherchez les jeux de données liés au retard, en fait, un retard à la SNCF, les données liées au retard, ça s'appelle les données liées à la ponctualité ou à la régularité. Donc, ils vont pas utiliser le vocable retard qu'on va tous utiliser. Bon, on tombe dessus quand même. Parce que là, il y a un catalogue qui est plus restreint, donc les tags remontent bien et font qu'on arrive à tomber sur le bon jeu de données. Celui-là, je l'aime bien aussi. Donc, si vous cherchez les AOC, les AOP, les IGP, il y a un fichier sur Datagouv qui est publié par l'INAO, donc l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui s'appelle les SICO publiés. Donc les SICO, c'est les signes officiels de la qualité et de l'origine. Si vous ne connaissez pas le terme SICO, ben, peu de chances que vous tombiez dessus. Le meilleur moyen de tomber dessus, en fait, moi, la raison pour laquelle je connais ce jeu de données, c'est que j'avais fait un projet relatif à ces sujets-là, et j'ai cherché en fait le producteur, et des fois, c'est plus. Ça marche mieux de chercher le producteur. Je sais que c'est l'INAO qui produit ça. Je vais regarder les jeux de données qu'il publie. Et là, je tombe sur le bon jeu de données. Alors, dans les solutions, je pense qu'une des solutions, ça va être aussi il y a le travail des métadonnées et il y a aussi la curation. Donc, je vais vous montrer ce qu'a fait Datagouv. Il y a un métier qui se développe un petit peu, qui est celui de curateur de données. Il y en a quand même quelques-uns. OpenDataSoft a un curateur de données. La région PACA a une curatrice de données. Data.gouv.fr un curateur de données aussi. Et il y a des gens qui font de la curation de données. Là, je vous mets le lien. Je recense des principales ressources de curation de données. Alors, c'est plus à l'échelle internationale. Et donc, vous avez les différentes ressources. Et là, vous avez, par exemple, cette newsletter qui est assez intéressante, qui s'appelle Data is Plural. Donc, je vous invite à vous inscrire à cette newsletter et qui a une archive de tous les jeux de données intéressants qu'ils ont pu trouver. Par exemple, ça vous permettra de découvrir qu'il y a une base de données, il y a une API Star Wars, dans les jeux de données un peu curieux, qui recense tous les véhicules, toutes les planètes avec différents. Bon, c'est pas, non, en vrai, pas du tout tous les véhicules. En vrai, quand on regarde un peu, il en manque plein. Mais il y a plein plein de jeux de données hyper intéressants. Donc, je vous invite à regarder la newsletter, à vous abonner, mais aussi à regarder la base de données, parce que des fois, vous cherchez des jeux de données, vous allez chercher dans ces ressources de curation et vous allez trouver le bon jeu de données. Il y a, je sais pas, la base de toutes les grèves en Europe depuis 1980. Il y a plein de jeux de données sur lesquels vous pouvez passer par ces ressources de curation. Dans les ressources de curation, pour vous aider aussi, il y a Open Data Stack Exchange qui peut vous aider. Il y a cette liste-là qui est Awesome Public Dataset, qui est une liste de plein de jeux de données qui sont sélectionnés, qui sont très intéressants. En général, j'aime bien montrer à mes étudiants le Plane Crash Database, qui est une base de tous les accidents d'avion année par année, qui est assez complète, mais qui ne se télécharge pas, faire du scraping pour arriver à y accéder. Et c'est un bon exemple d'un jeu de données qui est très dur à trouver sans passer par ces ressources de curation. Donc ça, c'était le premier défi, la découvrabilité des jeux de données. Une fois que vous avez trouvé votre jeu de données, y a un enjeu, c'est de comprendre ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que entre le titre et ce que vous allez ouvrir, il y a un enjeu de documentation des données qui est très important. La documentation va vous aider à comprendre ce qu'il y a dans le jeu de données, mais là aussi pour vous aider à comprendre comment il a été produit, quelles sont les limites, dans quel contexte, à quoi il servait. En fait, vous aider, vous guider dans la réutilisation. Et en fait, on se rend compte que beaucoup des données sont accompagnées d'une description qui est très très réduite. Et sans ces informations-là, c'est difficile pour un usager de comprendre ce que contient le jeu de données et ses conditions de production et ses limites. On se rend compte que... Donc là, j'ai fait une étude là, pour Etalab récemment. 22% des jeux de données sur Datagoo ont une description qui fait moins de 180 caractères, soit un SMS. Et 59% ont une description de moins de 1000 caractères. J'ai mis une demi-page, j'ai été généreux, parce qu'en vrai, c'est plus un tiers de page à 4. 1000 caractères, c'est déjà très très court hein, pour comprendre un jeu de données. Du point de vue des recherches qui ont été faites dans le partage de données en sciences, on a souvent présenté les métadonnées comme un... Il y a eu plein de normes de métadonnées en partage de données en sciences comme une sorte de graal qui permettrait de faciliter automatiquement la réutilisation des données, une compréhension quasi immédiate des données. Et en fait, ce qu'ont montré les travaux en sociologie des sciences et techniques, c'est que globalement, c'est bien d'avoir des métadonnées et de la documentation, mais il y a plein de choses qui ne seront pas couvertes par la documentation. Et ça rejoint un des enjeux qui est celui des échanges. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une documentation qui réponde, qui nous donne les éléments essentiels pour comprendre le jeu de données, sans quoi c'est difficile. Mais la documentation, elle se construit aussi dans les échanges avec les usagers. Échanges qui peuvent être téléphoniques, oraux, des rencontres, ou par les fonctionnalités d'échanges qui sont comprises sur les plateformes. Et donc, moi, je dirais que la bonne pratique, c'est de documenter son jeu de données en répondant aussi aux questions et en apportant des précisions au fur et à mesure des questions. L'idée, c'est pas non plus que personne n'ouvre des jeux de données parce qu'ils sont mal décrits, mal documentés, sinon on n'ouvrira jamais des données. Mais c'est plutôt d'être dans une démarche d'amélioration progressive. Un exemple de problème de documentation, ici, les élections présidentielles de 2002, qui est un jeu de données très réutilisé du ministère de l'Intérieur, on a résultat de l'élection présidentielle 2002, deuxième tour par commune. Voilà. On ne savait pas beaucoup plus quoi correspondent les champs, comment ça a été collecté. Le jeu de données des élections, c'est vraiment un cas de données vraiment pas simple à utiliser. Je pense qu'il y a des gens qui pourront en témoigner ici. Ici, un jeu de données aussi très, très utilisé, la liste des musées de France. Là, on a juste le libellé des colonnes et on n'a pas plus de documentation. Ne serait-ce que... Alors, il y a un lien quelque part en bas qui nous explique comment on peut savoir ce que c'est un musée de France. Mais juste comment c'est collecté, comment c'est mis à jour, pourquoi là on n'a que 2017. Je ne sais pas, je n'ai pas repris le jeu de données, mais on manque un peu d'infos. Ici, les données du grand débat, alors c'est toute une histoire, ces données du grand débat, elles ont mis très très longtemps à être publiées et à être ouvertes, et ça a demandé une forte mobilisation pour que ces données soient ouvertes, et encore qu'il en manque. Mais si vous regardez la description, donc là il y a une description assez longue. En gros, il n'y a rien qui décrit les données là-dedans. Quasiment rien qui décrit les données. Et là, vous avez un copier-coller de la licence de réutilisation des données. Donc, c'est très compliqué de comprendre d'où elles viennent, à quoi correspondent les fichiers. Alors, il y a un modèle qu'on pousse, nous, qui nous paraît très intéressant. C'est, vous avez le lien ici, là, si vous cliquez sur l'image. C'est un modèle qui s'appelle Datasheet for Dataset. Je vais vous remettre le lien qu'on a publié sur... Team Open Data. Et donc, Datasheet for Dataset, ça a été créé. Donc, au départ, c'est un article scientifique qui a été fait par des data scientists qui se plaignaient d'avoir des données, généralement plutôt des données d'entraînement qui étaient assez mal sur lesquelles ils n'avaient quasiment aucune information. Et donc, ils faisaient plein d'erreurs en réutilisant ces données-là parce qu'il manquait d'informations sur d'où viennent ces données-là. Et donc, ils se sont dit, voilà, en fait, on va essayer de faire une liste de questions, un peu comme on a aussi des datasheets pour quand vous utilisez des composants en électronique qui décrivent de manière un peu normée le composant. En fait, on pourrait avoir la même chose pour des jeux de données. Et donc, de manière quand même qualitative, ce n'est pas forcément l'idée d'un standard très strict, mais d'avoir juste des grandes catégories qu'il faut remplir pour qu'on comprenne un jeu de données. Donc là, moi, j'ai fait la traduction et l'adaptation avec une cliente. On a travaillé dessus, on a adapté le questionnaire issu du papier. Et donc, on a mis les grandes questions. L'idée, c'est pas de répondre à toutes les questions, mais surtout d'avoir les différentes catégories. Et en fait, on se rend compte que juste avoir ces grandes catégories, c'est intéressant. La première catégorie, c'est la motivation pour la création du jeu de données, comprendre pourquoi il a été créé, de quoi il est composé, à la fois à quoi correspond chacune des lignes, est-ce que c'est un individu, une personne qui a répondu à un questionnaire, un établissement, un accident de la route, et aussi que contiennent chacune des colonnes, pour qu'on comprenne le jeu de données. Le processus de collecte des données, est-ce que c'est fait de manière manuelle, est-ce que c'est automatique, est-ce que il y a des capteurs, est-ce que ces capteurs sont maintenus, comment ça se passe quand les capteurs ne fonctionnent plus, est-ce que c'est signalé, tout ça. Est-ce qu'il y a eu un pré-traitement des données, des choses qu'il faut savoir, des recatégorisations, par exemple si vous prenez les données de valeur foncière, qui est un des jeux de données les plus intéressants sur DataGouv, qui est le prix des ventes immobilières des 5 dernières années. Sur DataGouv, il y a deux versions. Il y a une version qui a été transformée, améliorée par Etalab. Il y a la version d'origine de la direction des finances publiques. Ben là, ils décrivent comment ils ont retraité les données. Mais ça, c'est un élément important d'avoir une idée de comment les données ont été retraitées, retravaillées. La diffusion du jeu de données, est-ce que ces données sont diffusées à tout le monde? Par exemple, si vous prenez les DVF, en fait, il faut savoir qu'il y a une version DVF 10 ans qui est disponible à la demande. Pour les acteurs publics, où on a accès à 10 ans d'historique au lieu de 5 ans. On me dit qu'il me reste 30 minutes et la moitié des slides, donc il faut que j'accélère un petit peu. C'est à toi de voir, mais du coup, j'ai recompris le message de Louis-André qui disait « Est-ce que tu pourrais accélérer ?» Et c'est vrai, c'est par rapport au contenu de la présentation que tu nous as annoncé. Et il te reste beaucoup de slides qui ont l'air super intéressants. Et du coup voilà, tu nous as spoilé. Et maintenant, on sait ce que tu vas dire à la fin et on a très envie de l'entendre. Ouais. Bah, j'avance. J'avance. Tu t'avances. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est peut-être en tant que producteur de données, de voir les grandes catégories qu'il faut bien traiter pour que le réutilisateur comprenne comment le jeu de données a été produit. Un point important aussi juste là-dessus, c'est que les échanges avec les réutilisateurs sont une forme de documentation des données sur laquelle on ne capitalise pas assez. Ce sont un peu des métadonnées conversationnelles. Vous prenez là la liste publique des organismes de formation. Les usagers entre eux s'entraident et l'administration, là, pour le coup, répond. Donc, il y a plein de cas où en fait, la documentation des données, c'est une conversation. Ce qui serait intéressant, c'est que le producteur reprenne les éléments qu'il met. Ce que fait un peu l'INSEE sur la base sirène, pas toujours, mais... Et va répondre un peu même une foire aux questions, quoi. Ou en gros, avant de se lancer dans l'utilisation du jeu de données, on vous répond aux principales questions. Mais ça, c'est quelque chose qui manque parce que il y a plein de cas que je pourrais vous citer où on se retrouve à réutiliser les données sans avoir une idée de comment elles ont été collectées. Il y a des enjeux très importants sur la collecte. Je pense par exemple au trafic dans les rues de Paris où il y a des capteurs, mais pas que dans Paris d'ailleurs. Il y a des capteurs sur la chaussée qui tombent régulièrement en panne. C'est des informations qui sont importantes d'avoir en tête parce que quand on utilise ces jeux de données-là, si on n'a pas ces informations-là, on peut faire des erreurs d'interprétation assez importantes. Le défi 3, c'est la qualité des données. Alors ça, c'est un constat qui est presque unanimement partagé, que les données sont souvent incomplètes. Donc là, c'est l'Open Data Barometer qui est un classement international qui disait que les données sont souvent incomplètes, pas actualisées, de mauvaise qualité et fragmentaires. Il faut avoir en tête que la qualité, elle dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait, ça je vous l'ai dit un peu avant, et que la documentation est indispensable pour que le public comprennent les enjeux. Donc c'est lié en fait. Parfois, des problèmes de qualité peuvent être résolus par de la documentation. C'est des fois aussi, on peut documenter ce qu'on pourrait appeler de la non-qualité ou ce qui pourrait être perçu comme de la non-qualité. Et donc tous ces enjeux se répondent. Hein. Sur des problèmes de découvrabilité, c'est parfois aussi lié à des enjeux de documentation ou de remplissage des métadonnées. Donc la qualité des données, je voudrais juste dire qu'il faut bien prendre des précautions quand même avec ça. J'aime bien revenir aux travaux de Garfinkel et Bittner qui m'ont beaucoup servi dans ma thèse, qui étaient donc deux sociologues qui travaillaient sur des données, des dossiers médicaux et qui avaient bien envie de dénoncer la mauvaise qualité. Donc ils ont fait des dossiers sur lesquels ils travaillaient. Mais ce qu'ils ont travaillé, c'était les good organizational reasons for bad records, donc les bonnes raisons organisationnelles pour de mauvaises données. Donc de comprendre dans le contexte de l'organisation pourquoi on se retrouve avec des mauvaises données. Et en fait, ce qui se rend compte, c'est que en fait, ces données ne sont pas mauvaises, elles sont mauvaises de notre point de vue, mais elles correspondaient tout à fait au type d'action. Elles étaient tout à fait acceptables pour le type d'action pour lesquelles elles ont été produites. Et donc là, dans le cas de leurs dossiers médicaux, elles étaient conduites vers le soin des patients et non vers la recherche en sciences sociales. Et donc les dossiers médicaux comme les données, ce sont des écrits qui sont organisationnellement situés et qui sont produits à des fins de gestion et qui deviennent un objet de savoir et de pouvoir. Un exemple de ce que c'est ces données de gestion, j'avais fait un entretien avec quelqu'un à la ville de Paris qui publiait la base de données des espaces verts, qui produisait la base de données des espaces verts, et pour eux, un espace vert, c'est tout ce qu'ils entretiennent. Ça va du bois de Vincennes jusqu'à une petite jardinière qui fait 20 cm carrés dans la rue. Sauf que si vous publiez le jeu de données et vous dites que la petite jardinière en bas de chez vous, c'est un espace vert, on va vous dire, franchement, elles sont dégueulasses, vos données. Sauf que pour eux, c'est une donnée de gestion, donc c'est vraiment tout ce qu'ils doivent entretenir. Donc, ils ont dû se poser la question, en fait, c'est quoi un espace vert et à partir de quel moment on va décider. Et ils ont eu beaucoup de temps à cause de ça, en fait. Donc, ça, c'est un enjeu qui revient souvent, c'est qu'on a des données qui ont été produites en fonction d'une certaine finalité, qui sont des données de gestion, qui vont devenir un objet de savoir. Donc, c'est quand même ça implique un changement assez important. Paul Edwards et plusieurs autres auteurs ont eu la notion de friction, que je trouve assez intéressante, qui est que quand on fait circuler quelque chose, ça consomme de l'énergie, ça crée des frictions, ça produit de la chaleur et ça use les parties en mouvement. Et donc, ils ont eu cette idée des frictions de données. Ce qui se passe, et là, ça vient de la sociologie des sciences, les moments où il y a des données circulent dans différentes organisations entre les personnes. Donc, chaque mouvement de données, ce qu'ils disent, c'est que chaque mouvement de données à travers une interface a un coût en temps, en énergie, en attention humaine. Chaque interface entre groupe et organisation, ainsi qu'entre les machines, représente un point de résistance où les données peuvent être rendues incompréhensibles, mal interprétées ou perdues. Et ils disent, dans les systèmes sociaux, les frictions de données consomment de l'énergie et produisent des turbulences et de la chaleur. Donc, c'est intéressant, je trouve, cet exemple-là, parce que finalement, c'est quand même quelque chose d'assez inévitable et ce qui n'est pas juste. Parfois, on entend, c'est de la mauvaise volonté, c'est les administrations qui ne veulent pas. Bon, c'est aussi parfois quand même très inévitable et très normal, hein, finalement, ces problèmes qu'on peut appeler de qualité. Alors, je vais quand même vous montrer quelques exemples. On s'était fait un moment avec des collègues un musée des horreurs de la donnée ouverte, parce qu'il y a des problèmes de qualité qu'on peut comprendre, il y en a d'autres qui sont quand même. Donc là, c'est un exemple, c'est mon chéri, celui-là. C'est dans un tableur. Ils ont entendu données ouvertes, ils ont dit, bon, on va mettre ça dans un tableur. Et puis là, ils ont mis nombre de places assises. Donc en fait, tout se passe dans la colonne A. Donc là, je change un petit peu de l'optique compréhensive dans laquelle je suis habituellement, parce que là, quand même, c'est assez rigolo. Et là, nombre de places assises. Et là, 2306 places. En fait, c'est impossible de convoquer l'information qui est là, qui figure là. Donc les entrées, tout ça, en fait, tout ça est dans une seule colonne. Et donc, ce n'est pas parce que c'est dans un tableur que c'est de la donnée. Ah, il y a cet exemple-là. En fait, si vous regardez les noms des colonnes, je crois qu'on n'ai jamais vu un tel usage de la cellule fusionnée. Bon, là on n'est même plus dans de la base de données. Là, on est sur du tableur, quoi. Du tableur, mais inexploitable avec des tranches, des trucs. Je ne sais même pas. Bon, voilà, je le trouvais beau, quoi, celui-là. Il est une forme d'esthétique de la donnée de mauvaise qualité. Bon, il ne faudrait pas que j'emploie le terme de mauvaise qualité, mais de la donnée inexploitable, on va dire plutôt. L'esthétique de la donnée inexploitable. Le quatrième défi, c'est les échanges. Donc, vous voyez, sur ces enjeux de qualité, on pourra en reparler. Alors là-dessus, juste, je vous dis, il y a un certain nombre de ressources qui existent que j'ai oublié de mettre. Je pense là maintenant. Voilà, et Diego disait ce n'est pas sale, c'est seulement pas adapté à l'usage qu'on veut en faire, exactement. Il y a Quartz qui est un média en ligne, qui avait fait un guide vers les mauvaises guide to bad data, qui est intéressant parce qu'ils ont classé les problèmes par est-ce que ça doit être résolu par votre source, les problèmes que vous pouvez résoudre et les problèmes où vous devez faire appel à quelqu'un d'extérieur parce que c'est vraiment compliqué. Et donc là, à chaque fois, il y a des petits conseils. Par exemple, comment vous faites quand il y a des données dans un fichier PDF, dans un tableau dans un fichier PDF, bah là, il faut utiliser un outil qui s'appelle Tabula, qui fait ça très, très bien. bon, qui ne résout pas tous les problèmes qu'on a comme ça, mais qui peut vous aider. Donc ça, c'est une ressource qui pourra vous aider. Alors, si vous êtes plutôt producteur de données, et je pense qu'il y en a aussi, la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, et en particulier notre ami Charles Népote, avait fait un projet qui s'appelle le sprint qualité. Je vais vous le retrouver. Allez, là. Le sprint qualité, c'est un ensemble de points de contrôle qui représentent les principaux problèmes qu'on peut rencontrer à la fois sur la documentation des données, sur le contenu des fichiers, sur aussi même des enjeux juridiques. Et donc, ça permet de produire un rapport d'analyse de la qualité. Ah oui, pardon, je vous ai mis les liens, mais dans le chat, mais dans le mauvais. Vais juste le mettre à tout le monde. Hop, je vous mets les liens ici. Je ne l'ai pas mis à tout le monde, j'ai envoyé qu'à Diego. Donc là, en fait, c'est un sprint, c'est une sorte de checklist que vous pouvez parcourir et vous prenez votre jeu de données. Et bon, c'est un peu long, ça met 2 heures quand même à faire pour tout et pour tout de toutes les questions. Mais c'est intéressant de voir en fait les principaux problèmes de qualité et il vous explique comment détecter le problème, comment le résoudre. C'est catégorisé par thématique, donc c'est un peu ardu, un peu long, mais c'est tout à fait exploitable. Le quatrième défi, celui des échanges entre les producteurs et les réutilisateurs. En gros, pour répondre à ces questions-là, à ces problèmes-là, à ces défis-là, plutôt que de résoudre les problèmes immédiatement, on pourrait aussi s'appuyer sur les commentaires et les retours des usagers pour être dans une démarche un peu itérative et d'améliorer progressivement les données en voyant à quoi elles servent, puisqu'on peut pas prédire à l'avance, enfin, on peut difficilement prédire à l'avance à quoi elles vont servir, et on peut encore plus difficilement prédire les problèmes, parce que finalement, quand les gens ont publié l'annuaire de l'éducation, tout le monde appelait ça l'annuaire de l'éducation, et ils ne vont peut-être pas penser que les gens ne vont pas tomber dessus. Donc, le problème, c'est qu'en pratique, la plupart des agents en charge de l'ouverture n'ont pas de temps dédié à traiter ces commentaires et à les résoudre. Ce qui fait que c'est assez courant que les échanges se font rares et qu'on n'a pas de réponse quand on met un commentaire sur un jeu de données. Alors, Datagouf fait ça quand même très bien dans la fonctionnalité. Je trouve que c'est vraiment un des trucs qui marche bien sur Datagouf, c'est qu'on peut voir les différentes discussions qui apparaissent là. Le producteur peut les. Ils résolvent. Le seul problème, c'est qu'il y a plein de producteurs qui ne répondent pas. Mais quand ils répondent, ça marche assez bien. Et surtout, ça fait que tout le monde peut voir les différents problèmes qui ont été relevés précédemment. Donc ça, et aussi, les usagers peuvent s'aider entre eux. Donc, c'est un petit stack overflow pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une fonctionnalité qui marche bien. Sur les portails Open Data Soft, c'est beaucoup moins bien. Et il y a plein de portails d'acteurs publics sur lesquels il n'y a pas de possibilité de poster un commentaire à côté d'un jeu de données. Il faut juste écrire sur la boîte contact, ce qui est un problème parce qu'en fait, on ne voit pas les questions qui étaient posées par les autres réutilisateurs et ça peut poser problème. Un exemple juste de ce genre de problème qu'on ne voit que dans la documentation, dans les échanges, c'est la taille du champ adresse dans la base des accidents de la route, qui est limitée à 25 caractères. Ce qui fait quand vous êtes 25 avenue Charles de Gaulle, Champigny-sur-Marne, je sais pas quoi, bah c'est trop long. Et hop, là, ça va couper. Et donc là, vous vous retrouvez avec des adresses qu'on n'arrive pas à géocoder. Ça, c'est un problème qui est très récurrent. Alors, il y aurait d'autres défis à évoquer. On aurait pu évoquer aussi la question de la mise à jour des données, qui est un sujet hyper essentiel. Mais voilà, moi je voulais évoquer ces principaux défis avec vous. Maintenant, je vais parler des stratégies alternatives et je vais accélérer parce qu'on arrive à la fin de mon temps de présentation. Alors, la première stratégie, c'est de recourir au droit d'accès. Donc en France, c'est la loi CADA de 1978 qui le permet. Il y a une définition très large des documents administratifs en France, donc c'est à peu près tout ce qui est produit dans le cadre d'une mission de service public qui est achevée. Et qui n'est pas préparatoire à une décision administrative en cours. À bientôt, Benjamin. Au sein d'Open Knowledge France, on a donc ce droit d'accès. En fait, dès qu'il y a un document administratif qui est produit par une mission, dans une mission de service public, vous avez le droit de le demander, sauf s'il correspond à des secrets protégés, les délibérations du gouvernement, la vie privée, le secret médical, plein de. Il y a quelques. Le secret des affaires, ce qui est un gros problème d'ailleurs. On a créé au sein d'Open Knowledge France un portail qui s'appelle madada.fr que je vous invite à utiliser, qui vous facilite les demandes et qui vous permet de voir aussi les demandes en cours. Par exemple, on a quelqu'un qui a fait toute une série de demandes à tous les départements pour les sanctions liées au RSA, et qui a publié une étude avec le Secours catholique là-dessus. Les valeurs locatives de la ville de Marseille, différentes choses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les réponses. Et vous pouvez voir, et donc les données sont déjà publiées par défaut, on peut récupérer tout de suite les différents fichiers immédiatement, et donc c'est ouvert par défaut. Je vous le dis, pour des projets de recherche, là on est en train de développer des fonctionnalités pro. Alors pro, ça ne veut pas dire payant, ça veut dire des fonctionnalités avancées. Par exemple, qui vous permettront de faire des demandes à 100 collectivités, de traiter ces demandes et de les suivre une par une. Donc ça, si vous avez ce genre de besoin, venez vers moi et on pourra vous aider à exploiter ces fonctionnalités qu'on lance en fait aujourd'hui. La deuxième stratégie, c'est de faire du scraping. Donc c'est d'extraire des données qui sont présentes sur des sites web. Et de cibler les éléments à extraire sur certaines pages. Bon, Benjamin est parti, mais nosdéputés.fr de Regards Citoyens, c'est un projet qui naît du scraping. Et d'ailleurs, si vous regardez, là, j'ai fait une capture d'écran de la page d'accueil. Les comptes rendus des commissions sont plus intégrés parce que le site de l'Assemblée nationale a évolué. Et c'est une des faiblesses du scraping, c'est que si le site en face évolue ou met en place des dispositifs pour empêcher le scraping, vous pouvez ne plus avoir accès aux données et ne plus les mettre à jour. Mais il y a plein de projets comme ça qui sont nés grâce au scraping. Alexandre Lechner, qui à l'époque était journaliste au Monde, maintenant il est à la Gazette des Communes et data journaliste, il avait fait une enquête sur les dépassements d'honoraires et il était passé par le site Amélie Direct. L'assurance maladie ne veut pas publier les données des dépassements d'honoraires des médecins. Lui, il a fait du scraping et il a produit cette carte qui montre que des fois on passe à 5 fois, 7 fois le dépassement d'honoraires dans les médecins à Paris qui consultent au sein des hôpitaux. À côté des hôpitaux. Il y a la CIMAD qui a produit ce site qui est hyper intéressant avec du scraping qui s'appelle à guichet fermé. Donc c'est des robots qui se rendent toutes les 2 heures sur les sites des préfectures pour voir les délais de prise de rendez-vous. Et en fait, cette datavis peut être utilisée par les demandeurs d'asile comme un justificatif pour expliquer qu'ils n'ont pas pu renouveler leur visa. Donc c'est même vraiment intéressant. Le ministère de l'Intérieur a essayé de leur empêcher d'accéder au site des préfectures, puis ils ont fait du plaidoyer, puis le site continue de fonctionner. Juste un petit mot pour vous dire que faire du scraping, ce n'est pas nécessairement hyper compliqué. Il y a une petite extension qui marche dans le navigateur, je ne vais pas vous faire la démo parce que je n'aurai vraiment pas le temps, mais qui s'appelle webscraper.io. C'est une extension que vous pouvez faire tourner dans Chrome, qui est assez simple. Il y a plein de tutos, de démos et tout ça. Et en fait, vous dites les éléments dans la page web que vous voulez extraire. Vous dites bah là, je veux le prix, là, les détails et tout ça. Et il est capable d'aller de page en page, prendre tous les prix des produits, toutes les descriptions. Et il va aller extraire et vous créer une base de données Donc ça, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous en parler. Mais c'est pas juste pour dire que le scraping, il y a plein de librairies en R, en Python pour en faire, mais vous pouvez aussi avoir recours à des outils si vous êtes moins avancé techniquement. La stratégie 3, c'est de prendre toutes les informations qui sont disponibles dans des rapports, qui sont prises isolément, pour refaire des calculs et produire de nouvelles analyses. Ça, c'est une stratégie qui marche assez bien. Par exemple, le syndicat de la presse indépendante en ligne, moi j'avais travaillé avec eux ils ont constitué une base de données de toutes les aides à la presse qui était exhaustive pour faire le panorama des aides à la presse. Donc il y avait des choses qui étaient publiées en open data, mais ils ont pris beaucoup de choses, parce qu'il y avait très peu de choses encore à l'époque en open data, et ça a servi d'ailleurs à ouvrir les données. Ils ont pris des rapports d'analyse, des lois de finances. Ils ont fait des estimations et ils ont créé la base de données qui n'existait pas. Et ça, c'est une stratégie que je vous recommande. C'est la stratégie du Just Good Enough Data. c'est du nom d'un papier qui avait eu cette idée-là. C'est en fait, si l'administration refuse de vous donner accès aux données, bah, produisez vous-même vos données. Et s'ils vous disent que vos données sont dégueulasses, bah, ça veut dire qu'ils ont des données en face. Et donc, bah, vous avez fait avec les données que vous pouvez. Et puis, bah, s'ils vous disent que vos données sont vos analyses sont fausses, vous avez juste à leur dire, bah, donnez-nous vos données. Et ça permet de faire avancer beaucoup, beaucoup de projets. On a fait comme ça, donc là le panorama des aides à la presse, j'avais fait des visualisations de données avec eux pour faire passer un certain nombre de messages. Transparency France fait ça aussi, alors de manière très manuelle. C'est un bénévole de Transparency qui fait la carte de la corruption en France et qui lit la PQR tous les jours et qui visualise sur une carte tous les cas de corruption. Et puis il y a des typologies, il y a une base de données qui est ouverte. Et donc cette carte de la corruption, vous pouvez même télécharger les données et on s'en sert dans un projet de recherche qu'on fait avec l'Université d'Avignon qui s'appelle DECOMAP. On utilise ça pour créer une base de connaissances de cas de corruption et puis on va aller voir les caractéristiques des marchés publics qui correspondent pour après faire de la détection de cas de corruption. Je pourrais vous en reparler. C'est un projet de recherche qui nous passionne. La quatrième stratégie, c'est de faire appel à une foule de contributeurs. On appelle ça aussi du crowdsourcing et qui marche très bien. On a fait une campagne d'être activiste avec Greenpeace là-dessus, sur les menus des cantines. On a appliqué cette méthode-là. Au départ, Greenpeace nous a dit, ouais, on sait qu'il y a des données ouvertes sur les menus des cantines. Au final, on leur a dit, bah, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y en a que sur deux communes en France. Donc, si on attend qu'ils ouvrent leurs données. En fait, par contre, vous avez des bénévoles. Du coup, on a conçu une enquête avec eux et ça a donné ça. En fait, on a fait un outil de contribution où 8000 personnes ont contribué pour collecter des données sur près de 3000 villes en France. Et ça a permis de produire cette carte et ce chiffre. Donc déjà, le chiffre est intéressant. 69% des enfants qui sont obligés de manger de la viande et du poisson tous les jours à la cantine. C'est sur les menus végétariens dans les cantines. Ça a servi de plaidoyer pendant la loi des états généraux de l'alimentation. Et ça permet surtout de zoomer dans la granularité et d'aller au plus proche des gens et donc de faire du plaidoyer aussi à l'échelle locale et donc de partir d'un chiffre national pour aller faire des zooms jusqu'à sa commune à soi. Si vous voulez plus d'infos, on a fait un article qui détaille un peu cette stratégie de campagne. Regard citoyen avait fait ça aussi sur les déclarations d'intérêt des parlementaires. Au début, elles étaient remplies à la main. Et en une semaine, il y a eu 11 000 extraits de formulaires qui ont été numérisés par 8 000 contributeurs et ça a été mis en open data et ça a poussé aussi la haute autorité de la transparence de la vie publique à ouvrir ces données-là et surtout à numériser ces données-là dès le départ. Et voilà, j'ai un peu tracé sur la fin, mais c'est pas grave. Je suis là pour vos questions. Merci. Merci Samuel. Merci Samuel, c'était dense. Et effectivement, t'as tracé. Mais bon, au moins, c'est vrai qu'on est arrivé au bout et on a un bon temps d'échange devant nous. Flora, je pense que tu as noté des questions. On a quelques questions déjà qui sont arrivées par le chat. On a déjà une question de Christine Adrosek. Bonjour, avez-vous pu étudier et évaluer le taux de réutilisation des données de la recherche publiées dans des data papers? Non. Je ne l'ai pas fait. C'est un sujet sur lequel on travaille un petit peu, mais ce n'est pas moi qui travaille dessus. Comment dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce travail-là d'évaluer le taux de réutilisation? Bon, ce qui est intéressant, c'est que déjà, sur les data papers, on a un DOI, donc on a généralement un identifiant unique pour retracer les réutilisations. Donc, à partir du moment où les gens le réutilisent. Si je sais que j'ai déjà eu cette discussion avec Marin Dacos, qui pilote les projets de sciences ouvertes au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et où est-ce qu'on a vu ça? Je sais que ça a déjà été fait, je crois, avec les DOI, à partir notamment de la base qui s'appelle Unpaywall. Biométrie. Donc Unpaywall, c'est une donc il y a Unpaywall et c'était ah non c'est pas Unpaywall c'est... ah je sais plus quelle base des DOI. Attends, je vous demande juste 2 secondes, je vais réfléchir pour retrouver le nom de cette base. Il y a une base de données OpenCitation, voilà. Donc c'est I4 aussi, c'est le projet, je vous mets le lien. C'est une base de données ouverte des citations entre les papiers. Et donc dès qu'il y a un DOI qui est détecté, ça permet de voir les liens. Et donc là-dedans, on peut aller chercher tous les data papers qui ont été publiés en regardant si c'est le type de publication et puis en regardant la source. En regardant si c'est publié sur un dataverse, sur un entrepôt de données de la recherche. Donc je sais que c'est possible en passant par OpenCitation et je sais qu'il y a des travaux en cours là-dessus. Il faudrait demander à Marin Dacos, qui saura mieux nous renseigner. On avait une question simple au départ par Paul qui demandait, tu parlais à un moment de DataGouv, et on parlait d'indexation et des éventuelles fautes, enfin la faute qui incombe au moteur de recherche de ces sites, de ces repositories de données. Est-ce que tu sais si sur DataGouv, les données sont indexées? Et est-ce que tu sais s'il existe des dataverses ou des repositories de données comme ça qui indexent les données elles-mêmes et pas seulement les métadonnées? Alors, très peu, très très peu. DataGouv, non, n'indexe pas les données, le contenu des données. OpenDataSoft ne le fait pas non plus. Le seul que j'ai vu faire ça, je vais vous montrer, je partageais mon écran, c'est le Grand Lion, qui est un portail qui est vraiment très très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le portail du Grand Lion. Ils ont un peu tout repensé depuis le début. En essayant de faire une approche un peu différente. Par exemple, si vous tapez. Non, c'est Bellecour. Bellegarde, c'est Aix. En fait, ils font de la détection d'entités nommées dans les jeux de données. Oui, ce genre du coup d'analyse des données et puis d'indexation, ouais. Donc là, par exemple, je peux voir toutes les données qui parlent de la place Bellecour. Donc là, c'est intéressant parce que. Là, récemment, je faisais un cours, j'ai un cours de données et médiation à Sciences Po Aix, dans lequel je demandais les étudiants chercher des données sur Airbnb à Aix. Et donc, la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tapé sur DataGouv Airbnb Aix-en-Provence. Bon Et courage. finalement, c'est un comportement logique. Mais sauf que d'un point de vue des bases de données, non, en fait, vous allez chercher Airbnb, annonce Airbnb, des choses comme ça. Et du coup, bah ça permet de répondre à ce cas-là, qui est finalement assez courant, c'est que vous allez chercher par une entité la zone géographique dans laquelle vous voulez filtrer. Et donc ça, c'est un truc qui commence à émerger. C'est pas impossible qu'OpenDataSoft le fasse un jour. Pour DataGouv, c'est plus compliqué parce qu'en fait, pour un seul jeu de données, il y a plein de ressources qui sont associées, plusieurs fichiers. Et donc la difficulté sur DataGouv, c'est que de savoir dans quel fichier chercher, c'est plus compliqué, quoi. DataGouv indexe, enfin, ils indexent pas les données techniquement, mais ils les. Enfin, je sais pas s'ils les indexent ou pas, mais si vous prenez. Je pense que ça doit pouvoir. Maintenant, vous avez la possibilité de prévisualiser les données. Ça doit faire à peu près un an que c'est le cas. Donc, ils font quand même un pré-traitement des données qui est stocké localement et qui permet quand même de pré-afficher les fichiers CSV. La difficulté derrière, c'est qu'en fait, un fichier CSV, il y a plein de dialectes et de manière de faire un fichier CSV. En France, en plus, on ne s'arrange pas les choses parce que, mais c'est pour de bonnes raisons là aussi. Nos CSV sont en point-virgule. Et je sais pas si vous avez eu cette expérience en enseignement sur les sujets de données, mais vous êtes obligé d'expliquer aux étudiants comment est-ce qu'on passe un fichier CSV de point-virgule vers virgule, parce que la plupart des outils de visualisation de données sont faits aux États-Unis ou pour un usager américain ou anglo-saxon. Et donc, le séparateur point-virgule qui est utilisé en France pour de bonnes raisons, parce on dit 3,2, on ne dit pas 3,2. Et du coup, ça aurait créé des valeurs en plus dans un fichier CSV, ça aurait créé 3 et 2, puisque c'est un séparateur virgule. Donc on utilise le point-virgule. Et pour ça, en fait, ça fait qu'en France, quand on télécharge des fichiers CSV, ben, très souvent, ils ne s'affichent pas comme il faut. Donc c'est aussi un problème qu'on a de manière récurrente. Donc pour répondre à la question de Paul, l'indexation, c'est un truc qui est, des jeux de données, c'est un truc qui est en cours, mais qui n'est pas encore totalement fait. Ouais, découvrabilité. Merci. Si éventuellement, Flora, je ne sais pas comment tu envisages le truc, mais on pourrait aussi ouvrir les micros Bah ouais, carrément. et tout libre au point où on en est. Flora, tu as d'autres questions à rapporter du chat? Oui, j'en ai qui sont. Enfin, j'en ai une en particulier qui était un petit peu ancienne de Céline Jacotot sur les licences. En fait, elle demandait pourquoi utiliser une licence Creative Commons si la loi demande l'utilisation d'une licence étalable? En fait, la loi, elle demande l'utilisation. Alors, c'est un peu une absurdité, mais la loi ne permet pas l'utilisation de Creative Commons 4, qui est en fait, avant Creative Commons, n'était pas adapté pour les bases de données, jusqu'à la version 4. Bon, passons les détails. Sauf que le décret qui a labellisé les données a mis deux options, soit c'est la licence ouverte, soit c'est la licence ODBL. Licence ouverte, on attribue à la source, ODBL, on partage à l'identique. On attribue à la source et on doit repartager à l'identique dès qu'on réutilise les données. Donc dès qu'on fait une utilisation publique, on doit repartager les données. Et c'est une optique de est-ce que on veut s'assurer que les données restent un commun, et c'est même des approches un peu politiques différentes. Donc le choix se fait après. Pour un acteur public, il faut quand même motiver le choix de la licence ODBL, notamment par une volonté de vouloir réutiliser les améliorations qui sont faites. Mais c'est aussi souvent utilisé comme un moyen pour empêcher Google de réutiliser les données parce que ça les embête de repartager les données qu'ils améliorent. Ils le font. Je pourrais m'amuser à vous montrer dans les pages. À propos de Google Maps, où ils repartagent des données françaises qu'ils ont améliorées, qu'ils ont retravaillées. Mais ça a parfois une incidence assez forte, hein, le partage à l'identique et la licence ODBL. Ça fait que quand vous croisez deux bases de données, ça fait que certains acteurs peuvent. Si vous croisez des bases de données de même nature, une base de données et une base de données en ODBL, il y a une idée de viralité, c'est-à-dire que votre base de données de départ doit être aussi repartagé. Et ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Par exemple, pour OpenFoodFact, s'il y a des applis qui essayent de. OpenFoodFact, c'est la base de données ouverte des informations sur les nutritionnelles sur les aliments. S'il y a des applis qui essayent de réutiliser leurs données et qui ont déjà une propre base de données en interne, s'ils veulent utiliser OpenFoodFact, ils doivent repartager leurs données. Et donc, potentiellement, enfin, c'est pas que potentiellement, ça leur a permis déjà de récupérer plein de bases de données pour enrichir OpenFoodFact. Une question de Louis-André aussi. Depuis le début de la mise à disposition de données ouvertes en France, observe-t-on une tendance à l'amélioration de la qualité de la documentation, description associée à ces données? Est-ce que tu peux me redire la question ou me la retrouver? Oui, moi, si vous Ou à l'oral, ouais. Mais vas-y, je vais demande-le. la redonner à l'oral, oui. Non, c'est simple. Donc, le début de la mise à disposition des données ouvertes en France, c'est en fait assez récent. Et ma question, c'est, voilà, alors c'est effectivement assez exigeant de mettre à disposition des données ouvertes. Et ma question, c'est simplement, est-ce qu'on observe une tendance à l'amélioration de la qualité de la documentation des données, de leur description, depuis le passé, somme toute assez récent, où on a commencé à mettre des données à disposition, c'est-à-dire tout récemment, est-ce qu'on voit des choses s'améliorer, ou pas? Ça dépend si on est dans la masse. Dans la masse, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, dans la masse des jeux de données. Par contre, pour les jeux de données les plus réutilisés, ces bonnes pratiques commencent à entrer comme une problématique importante, et on voit des cas où ça s'améliore, où on voit la documentation qui est de plus en plus enrichie avec des notices, avec des choses qui accompagnent la réutilisation des jeux de données. Il y a un truc aussi tout bête, c'est que pour les jeux de données plus réutilisés, ce que j'appelle les métadonnées conversationnelles, les discussions sont de plus en plus enrichies, donc ça permet aussi aux réutilisateurs de se repérer. Et après, Etalane notamment pousse de plus en plus à la documentation des données. Ce qui manque peut-être un peu, à mon avis, c'est d'identifier quand même la liste des 100 données les plus utilisées, et d'accompagner les producteurs et de le faire ce travail avec eux. Et ça demande du temps humain, et ça demande de passer d'une logique uniquement quantitative à une logique plutôt d'impact, où on va travailler avec les producteurs en particulier. Donc c'est peut-être la prochaine étape. Mais déjà, Etalab est en train de faire des guides là-dessus. Nous, on travaille avec eux sur la feuille de route. Je pense que je vais pousser des choses, on va voir ce qui va être décidé, mais pousser des choses qui vont être. Par exemple, les grandes catégories du data sheet for dataset, motivation pour la création du jeu de données, composition du jeu de données, de l'afficher comme un peu un guide à côté du champ de description, pour que quand les producteurs remplissent ce champ, ils soient. Aussi, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est le champ de description. Vous pouvez poster un jeu de données en mettant 100 caractères de description. Ben, en fait, on pourrait dire passer 500 caractères. Il faut au moins écrire 500 caractères. Alors bon, il y a des gens qui vont faire un copier-coller de je ne sais pas quoi, mais il y en a qui vont aussi prendre le temps de, ça va les forcer à écrire et éviter de publier un jeu de données sans description. Donc c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Moi, je pense que ça devrait s'améliorer quand même, avec le temps. Surtout pour les jeux de données les plus utilisés. Merci. On avait une question plus technique de Paul aussi. Je te laisse peut-être la poser. Tu peux la poser à Laura. Ouais, ouais, vous m'entendez, ouais. Du coup, la question, c'est... oui, à propos de friction, là. Est-ce que tu connais l'initiative Frictionless Data ? Ouais, complètement, je connais bien. Et leur format data package. Moi, j'utilise ça là, depuis quelques années parce que je suis assez fan du formalisme qui est assez léger comparé à des approches. Il y a DDI qui a été cité là par des collègues du CDSP qui moi me faisait un peu peur par l'ampleur de l'XML. Je suis moins fan à écrire parce que souvent ces trucs-là, je les écris à la main en fait. Ouais. Et je voulais savoir ce que tu pensais de ce format-là et notamment de l'approche qui est au-delà de la question XML JSON qui est franchement plutôt un détail. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'avec le format vient une série d'outils qui permet de mobiliser la documentation, non pas seulement comme une documentation, mais aussi comme un outil qui permet d'automatiser après les travaux à faire sur les données que sont vérifier le format des nouvelles versions ou enfin il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Moi, j'ai bricolé notamment par exemple un éditeur de données basé là-dessus qui permet de voilà, de respecter le format en même temps qu'on édite. Enfin, je ne sais pas si tu as des expériences avec ça, ce que tu en penses. J'ai peu d'expérience avec ça, mais ça fait longtemps que je suis ce projet au sein du réseau Open Knowledge. Juste, j'explique pour les gens qui n'ont pas suivi ce que c'était avant ça. Frictionless Data, c'est un projet donc, dans l'idée de... Bah, je vous ai parlé des frictions, de toutes les difficultés de la réutilisation, qui était de réduire les frictions de la réutilisation des données en proposant un standard de données de documentation des champs et des jeux de données. Donc, c'est un fichier, un package, c'est un... Tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est un fichier CSV qui est standardisé selon la norme la plus utilisée avec des virgules et des limitateurs virgules et chacune des valeurs entre guillemets. Donc, on a à peu près le même standard partout. Et après, un fichier JSON à côté qui décrit chacun des champs, qui met le type et qui a une description qualitative, je crois, de chaque champ, il me semble, et surtout le type, est-ce que c'est une date, comment elle leur met la date, et donc ce qui permet d'automatiser les traitements et d'éviter d'avoir à retransformer un certain nombre de choses, notamment pour les champs date, par exemple, qui toujours l'appeler. Il me semble que pour les latitudes et les longitudes, il y a aussi les projections qui sont intégrées directement, ce qui fait gagner pas mal de temps en traitement, et ce qui permet à des outils d'ingérer directement les données. Une grande partie des difficultés qu'on a, par exemple, je vous ai montré DataGouv sur la prévisualisation des données, c'est aussi le manque de ça. C'est-à-dire que si le fichier CSV ne répond pas à la norme internationale ou à une autre, à la norme avec les points-virgules en France, bah, il y a plein d'outils qui n'arrivent pas à les exploiter. Donc ça permet de résoudre ça, parce que tout de suite, on voit les différents champs. Donc, moi, je le vois quand même assez peu utilisé. Enfin, je vois beaucoup d'intérêt autour de ça. Je trouve ça assez simple à faire. Et puis, il y a pas mal d'outils maintenant qui permettent d'exploiter ça. Donc, ça fonctionne. Ça commence à fonctionner assez bien. Je le vois assez peu utilisé sur des portails open data pour l'instant. Mais je pense que c'est essentiel si on veut d'être dans cette approche là où on va commencer à regarder champ par champ, à typer les champs, à vérifier que à vérifier les fichiers, parce que si on regarde par exemple le succès d'Open Data Soft, c'est dû en grande partie au fait qu'ils indexent les jeux de données, ce qui permet après de faire un certain nombre de traitements, de graphiques, de cartes, de choses comme ça, parce que le producteur dans leur interface de publication des données doit décrire chacun des champs, et puis au final, c'est à peu près la même chose. Donc, on pourrait avoir le même type d'usage s'il y avait ces data packages-là, parce qu'on pourrait proposer des interfaces qui permettent d'explorer ces données-là beaucoup plus facilement s'il y avait ces data packages. Le seul truc, c'est que les outils pour produire des data packages, jusqu'à récemment, n'étaient pas hyper... simple d'utilisation, mais je sais que ça a pas mal évolué donc ces derniers temps. Je veux bien d'ailleurs le lien de ton outil, Paul, qui fait des. Qui s'appuie sur les data packages si c'est public et si c'est. Ouais, non, c'est compliqué parce que c'est un truc qui est au sein d'un projet de recherche. Je pourrais te mettre le lien vers le code. Après, pour l'utiliser, il faut pouvoir. Il n'y a pas de démo, quoi. Le problème, c'est que pour l'utiliser, il faut avoir accès en écriture au dépôt de données, parce qu'évidemment, je ne vais pas laisser n'importe qui rajouter des données sur le dépôt de notre projet de recherche. D'accord. Voilà. Et puis c'est un proto qu'on a fait un peu vite, et donc je ne suis pas complètement fier sur tous les détails. Sur le principe, parce qu'il y a une chose qu'on peut faire dans le data package qui est assez cool aussi, c'est que tu peux surtout aussi normer, enfin définir comment différents CSV sont reliés, donc les structures de clés étrangères, etc. Et c'est surtout ça qui pose problème, en fait, dans mon expérience, dans les jeux de données. C'est-à-dire que quand on doit respecter une norme, alors bon, il y a les normes avec simplement des listes de valeurs, hein, un dictionnaire qu'il faut respecter, ça sera. Mais quand on dit en fait, la valeur de ce champ-là, c'est une valeur qui doit être dans un autre tableau, c'est assez pénible à éditer à la main, en fait, ça. Donc, c'est l'éditeur qu'on a bricolé, fait ça, permet de rajouter des formulaires qui te disent, mais en fait, on est en train d'essayer de réinventer un Microsoft Access qui se base sur la documentation, en fait, du jeu de données qu'on a fait pour que les chercheurs ensuite puissent éditer les données à la main, parce qu'en fait, c'est toujours nécessaire. Voilà. Mais je te mets le lien dans le chat. Ouais. L'usage que j'ai vu, que je trouve particulièrement intéressant, c'est dans la validation des données, qui est, ils ont un outil qui se base sur la data package qui s'appelle GoodTables, qui permet de vérifier si un jeu de données correspond à une spécification et à un standard particulier. Et ça, c'est un enjeu important pour les acteurs publics. Donc, ils n'utilisent pas forcément le data package, mais il y a un projet, par exemple, qui s'appelle Validata, qui s'appuie sur différents standards pour vérifier si le jeu de données correspond bien au standard en vigueur. Donc, c'est plutôt pour les collectivités locales au départ. Il y a aussi tout ce qui se fait autour de schema.datagouv.fr. Il faudrait que je vous retrouve le lien de Validata, mais sur le schéma Datago, vous avez aussi le lien de Validata. Et schémadata.gouv.fr, c'est le portail qui référence les principaux standards de données en vigueur en France pour les acteurs publics. Et notamment, puis on peut proposer de nouveaux standards. Là, nous, on est en train d'en concevoir avec l'Association des archivistes de France et le service interministériel des archives de France sur les registres d'entrée d'archives. Et en fait, on va essayer de suivre la norme JSON Schema pour publier sur Schema Datagouv. Et à terme, en fait, l'idée, c'est que Schema Datagouv puisse permettre aussi, et data.gouv.fr puisse permettre de consolider différents jeux de données. En gros, vous suivez la même norme. La ville de Marseille, la ville de Paris, la ville de Lyon et la ville d'Auxerre publient leur jeu de données qui suit la même norme. Et si à partir du moment où vous déclarez que vous suivez la norme et qu'on a validé que vos données correspondent à la norme, on va créer un jeu de données qui va consolider tous ces jeux de données publiés localement. Et ça, c'est aussi un des défis hyper importants de l'open data, c'est comment on fait avec tous ces jeux de données locaux qui, si on veut en créer un usage, il faut qu'on arrive à les consolider, à les rapprocher entre eux. Parce que si chacun continue de publier ses données dans son coin, en fait, il y aura très peu d'usages ou des usages qui seront un peu marginaux. Et le gros enjeu, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à consolider ces jeux de données, à créer une masse pour que ça pousse les gens à créer des services, des analyses qui dépassent juste le territoire d'une seule commune. Et ça explique le fait que dans le domaine des transports, il y a plein d'usages parce qu'il y a un standard international qui est celui qui a été proposé par Google. Et on retrouve ça dans d'autres thématiques. Nous, on travaille sur le standard des marchés publics qui s'appelle OCDS, Open Contracting Data Standard, qui est un standard international qui est censé s'adapter à tous les contextes et surtout à toutes les phases de passation d'un marché, qui est utilisé en France, mais qui est utilisé dans pas mal d'autres pays, et qui permet de mutualiser les outils qui réutilisent des données de marché public. Oui, en fait, j'ai mis 4 défis. Finalement, je pense qu'il y en aurait pas mal d'autres. La mise à jour, l'interopérabilité. Ouais, en fait, au final, c'était bien cette presse. Ça m'a permis de me dire qu'il y a encore plein de défis à rajouter. Ouais, je pense que l'archivage, l'interopérabilité, la mise à jour des données, c'est un truc aussi important. Bon, la prochaine fois que je referai cette présentation, ce sera les 7 défis. Mais c'est de l'open data, peut-être qu'à la fin ça finira par les 18 défis. Un médecin, du coup, on prévoit 4 heures, 4 heures et demie, et c'est bon, on a le temps, quoi. Je crois qu'on avait une question de Guillaume aussi sur le lien avec la réutilisation des données. Guillaume, je te laisse la poser. Oui, bonjour. J'avais une question, oui, sur les travaux de sociologie des sciences que vous avez cités tout à l'heure, sur en fait le lien entre la qualité de la documentation et le potentiel de réutilisation. J'aurais aimé que vous reveniez dessus. C'était quels travaux? Ça portait sur quel type de données? Est-ce que c'était des données, enfin quel type de données en fait, ouais. Et quel type de discipline, enfin de, ça renvoyait peut-être à quel type de discipline, par exemple? Les travaux auxquels je faisais référence, surtout, c'était sur notamment un papier sur les métadonnées qui ont été évoquées, qui ont été les standards de métadonnées en sciences qui ont été toujours pensés comme un moyen de créer de la réutilisation sans friction. Cet idéal de la réutilisation sans friction, on l'a vu déjà en sciences et là, du coup, on l'a vu réapparaître. Moi, ça m'a beaucoup marqué quand ces projets Frictionless Data est apparu. C'est des débats qui sont assez anciens dans l'idée qu'on pourrait réutiliser des données sans que le producteur et le réutilisateur aient à échanger et que du coup ça serait de manière quasiment automatique, que ce serait qu'une question de standard. Et en fait, ce qu'on a pu voir, donc, c'est qu'il y a eu des initiatives très fortes de standardisation des données et des métadonnées dans la recherche, mais qu'il y avait toujours besoin quand même d'appeler. Ou d'échanger avec le producteur pour produire des nouvelles connaissances à partir de ces données-là, il manque des éléments et la documentation ne peut jamais être exhaustive. Et que du coup, cette idée que la métadonnée serait suffisante pour comprendre le jeu de données est presque utopique. Donc la référence à laquelle j'avais en tête le plus, c'est le papier. Metadata Friction de Edward, c'est pas mal de gens. Mais il y en a d'autres qui sont cités dans ma thèse. Il y en a pas mal d'autres. Mais bien sûr, celui-là en particulier. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. J'irai voir votre thèse directement. Oui, la thèse, je l'ai. On a créé un lien raccourci, ça sert à ça. J'ai pas noté d'autres Des questions. questions? Oui. Il y avait une question du coup de Sandrine Astor, mais qui est partie, qui concernait les DMP et les datasheets, le rapport entre datasheets for data papers et les DMP, mais sa question était assez rapide et je pourrais pas la reformuler. Enfin, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire et elle est partie. Donc bon, voilà. Si elle... Je voulais vous dire justement que on s'est rendu compte un peu après que, avant que je me lance dans ce sujet-là des DMP, parce qu'on travaille de plus en plus là-dessus, ça ressemble beaucoup, beaucoup au plan de gestion de données, effectivement. Parce qu'on est obligé de documenter chacun des jeux de données avec des questions qui sont assez similaires. J'essaie de retrouver la liste des questions qu'il y a dans un DMP. Là, si je les ai là. Je ne sais pas si c'est dans un DMP, mais il y avait un template qui a été fait sur la description des jeux de données. Donc, c'est description du jeu de données. Je vais vous mettre le lien vers une conversation qu'on a eue sur Team Open Data là-dessus. Hop. Lien. Donc on vous demande dans un plan de gestion de données, est-ce qu'il y a déjà, quelle est la période de recueil des données, la méthode de production du jeu de données, les outils de traitement, quelles métadonnées décrivent ce jeu de données, quels sont qui est responsable de la collecte des données, quand elles vont être mises à jour. Ça ressemble beaucoup. La différence, c'est que il y a plein de questions dans les plans de gestion de données qui sont quand même appropriées juste pour la recherche, tandis que dans le projet Datasheet for Dataset, c'est assez générique. Donc ça s'applique aussi au secteur privé, dans les données internes, ça s'applique à des données publiques, et ça s'applique aussi finalement à des données de la recherche. Hein. D'ailleurs, j'avais pointé le guide le guide thématique là, dans la discussion que j'ai mis sur Team Open Data de Sciences Po sur comment documenter ces données. Donc, je vais vous le remettre. Il est toujours très bon. Je ne sais pas si quelqu'un ici l'a fait. Je note, on avait parmi nous le responsable des DMP à Sciences Po qui vient d'arriver à la bibliothèque. Mais il est parti, du coup, je me ferai un plaisir de lui pointer le lien vers son propre site. Il vient tout juste, c'est une personne qui vient tout juste d'arriver, hein, si je me permets de dire ça, c'est qu'il est là depuis 3-4 jours. On lui a peut-être déjà pointé. Non, bah c'est. Je l'avais justement pointé comme étant quelque chose, une page assez bien faite, quoi. J'avais juste une question, je me permets de. Enfin, une question ou remarque. Merci beaucoup donc, pour tout ça. Je voulais simplement dire, donc, au CDSP, on diffuse et documente des données de la recherche. Et l'open data, en général, on en parle comme étant source d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on a toujours le problème de protéger l'anonymat des personnes qui répondent aux questionnaires et qui le font dans une perspective de permettre aux chercheurs de faire sa recherche, mais dire plus, et ensuite l'exhortation à diffuser les données le plus largement et le plus librement possible. Et je pense qu'on est tous au CDSP très, très sensibilisés à ça, et c'est notre vœu le plus cher. Simplement, j'étais un petit peu curieux de votre avis, un petit peu sur cette contradiction entre la protection des personnes et l'ouverture des données, en particulier des données de questionnaires, dans lesquelles on trouve quand même une richesse assez importante qui permet potentiellement d'identifier les personnes. Et je ne sais pas si vous avez un avis, des choses comme ça sur ces données. Alors moi, je travaille un petit peu moins sur l'ouverture des données de la recherche, même si c'est en train de se développer. Juste pour vous dire que on va recruter quelqu'un qui va faire que de l'ouverture des données de la recherche, donc qui sera beaucoup plus spécialisé. Moi, c'est un petit peu moins mon sujet, même si ça m'intéresse beaucoup. Mais je me demandais en fait, moi, de ce que je vois sur les données qui contiennent des données à caractère personnel et sur leur anonymisation. En fait, moi, de ce que je vois dans les administrations publiques, c'est que c'est généralement considéré comme de la matière radioactive et que généralement, il y a un compteur GGR qui sort tout de suite, on évacue la salle et personne ne veut ouvrir ces données-là. Et donc, tout le monde a peur de faire publier un jeu de données qui soit mal anonymisé ou qui soit réidentifiant. Donc, ce qui fait que généralement, c'est les données qui passent très, très souvent à la trappe dans les projets d'open data. Alors, il y a un certain nombre de ressources quand même pour anonymiser des données. Alors, moi, je connais plus dans le monde des données publiques que dans le monde des… Oui, même la CNIL a fait un truc très bien aussi sur l'anonymisation. L'administrateur des données aussi. Oui, mais on remarque quand même qu'il y a pas de… Oui. Non, pardon, je disais, il y a effectivement des bonnes pratiques disponibles, des idées, etc. Mais alors, je ne sais pas si ça peut être quelque chose dans le cadre de votre association, des choses comme ça, de permettre d'avoir des critères, disons, reconnus unanimement, stables et fiables pour pouvoir diffuser librement des données personnelles, quoi, et potentiellement identifiantes. C'est vrai que c'est vraiment un truc, à chaque fois, on se dit, il nous manque ça. On n'a pas de critères stables, on n'a que des bonnes idées. En fait, tout le monde fourmille de bonnes idées sur la bonne manière d'anonymiser, mais on a assez peu de critères, unilatéraux. Et, voilà, j'ai balancé des liens à la volée, parce que j'avais fait un bout de présentation là-dessus. Mais en gros, dans les ressources quand même, ce qui n'est pas trop mal fait, c'est le guide CADACNIL. Qui parle un peu des enjeux d'anonymisation des données. Alors effectivement, on est quand même toujours un peu, on peut avoir des doutes sur le fait que est-ce qu'on a bien. Donc juste pour rappeler, le principe c'est que quand on publie des données, elles doivent être anonymes, sauf un certain nombre de cas si la personne a donné son consentement, si la loi le prévoit, par exemple pour la base des médecins, des avantages accordés par le laboratoire aux médecins, transparence santé. Si un décret le prévoit, donc par exemple, si vous êtes gérant d'une entreprise, il y a un décret qui dit que votre nom doit être publié. Et puis, il y a un certain nombre d'autres dispositions. Et sinon, dans ces cas-là, il faut anonymiser les données et vérifier qu'elles ne soient pas réidentifiantes. C'est-à-dire que s'il y a un identifiant unique, on peut remonter à une personne assez facilement. Si on a l'historique de vos déplacements, si on sait qu'on a un identifiant unique, si on sait que vous allez de tel endroit à telle heure tous les jours, on peut vous retrouver très facilement. Si on sait dans un questionnaire que vous êtes la seule personne de votre commune qui a telle ou telle caractéristique, bon, c'est potentiellement réidentifiant. Donc c'est vrai que là-dessus, on est toujours un peu incertain. Il y a un guide qui a été fait par, à l'époque par le... Donc il y a le guide CADACNIL qui prévoit un certain nombre de règles et qui rappelle juste un truc qui est que l'interdiction de publier des données à caractère personnel ne s'applique pour les acteurs publics que quand ça relève de la vie privée. C'est-à-dire que là, il y a une interdiction systématique, mais par exemple, un organigramme, il y a des choses comme ça qui peuvent être publiées. C'est mieux expliqué, hein. Là, je vais un peu vite sur dans le guide. Il y a aussi après un certain nombre de techniques d'anonymisation. Et notamment, il y a un guide qui a été fait par l'administrateur général des données sur les différentes techniques d'anonymisation. Et je vous ai mis un lien vers... Donc, il y a différentes techniques qui fonctionnent. Il y a des outils aussi qui permettent d'anonymiser, de brouiller des données à travers... Il y a deux grandes techniques, soit la randomisation, soit la généralisation. Donc ça, c'est des choses qui marchent. Et il y avait une autre présentation que je vous ai envoyée qui était super bien faite sur l'anonymisation, qui est un état laptop. Je vous ai mis un lien là, qui est très très bien faite, qui vous propose pas mal de techniques et qui explique bien les enjeux derrière ça. Juste pour vous dire, parce que je sais pas si je termine, moi je veux bien qu'on finisse un petit peu. Après, j'ai un rendez-vous. Mais je vais vous parler de mon jeu de données, d'un jeu de données que j'aime bien. Tu peux tout à fait continuer et vous pouvez continuer. Moi, je suis très triste, mais à un moment donné, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai un rendez-vous. Mais on peut tout à fait continuer. C'est l'avantage de ne pas avoir de salle réservée. Donc voilà, il y a plein de gens qui nous ont dit au revoir et qui nous ont dit merci, Samuel, pour ta présentation. Nous, on peut continuer à discuter. Donc ton jeu de données, que tu aimes beaucoup. Voilà, je vous ai mis le lien vers un jeu de données qui a été publié par la médiathèque de la Grand Plage à Roubaix, qui est pour moi un modèle du genre, et qui regroupe par iris, par tranche d'âge, les caractéristiques de tous les adhérents de la médiathèque et leur nombre de venues, le nombre de prêts, le nombre de fois ils sont venus, ils ont utilisé le Wi-Fi. C'est anonymisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir à une seule personne. On peut voir les gens qui font juste du prêt, qui vont juste sur les postes informatiques, les gens dont on n'a pas de traces de leur usage, est-ce qu'ils viennent de Roubaix ou pas. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de montrer qu'il y a des cas aussi, on peut publier des données qui correspondent à un individu, chaque ligne correspond à un individu, et à chaque fois, et qu'il y a des cas comme ça. Il y a aussi, dans les sujets du moment, l'association Data Covid qui fait un travail intéressant, je ne sais pas si vous connaissez ça, des données d'enquête. Ils font un baromètre tous les mois à peu près, dans lequel ils posent un certain nombre de questions sur à chaque vague, ils posent les mêmes questions, donc sur l'application des gestes barrières, la perception du virus, et après ils font des focus sur chacune des thématiques, sur la santé, l'éducation, des choses comme ça, qu'ils rajoutent en plus, et ils publient les données de ce sondage. Ils sont avec des instituts de sondage et ils publient, donc c'est à peu près, je crois, 20 000 réponses par vague. Et chaque ligne correspond à une des réponses par vague. Et donc, on est sur là, un jeu de données qui est très complet et qui permet d'étudier. Donc, il y a pas mal de données d'enquête comme ça. Si le sujet vous intéresse, écrivez-moi. J'ai fait un petit recensement avec, je crois que c'était avec Pierre-Carl Langlais sur Twitter, des jeux de données d'enquête comme ça qui sont publiés et anonymisés. Au lieu d'avoir juste les résultats du sondage, on a toutes les réponses au sondage qu'on peut exploiter.